ça. Hein, et comme tu n'as plus accès au téléphone et au site porno, eh bien, fais avec ta tête. Non. Ah, exactement, tu fermes les yeux. Je crois que je posais des... Qu'est-ce qui se passe? Mathis, il faut exploser des feux d'artifice, mais ah bah oui, bah, c'est la fête, c'est la fête. Mais on te fait une grosse bise en tout cas, Mathis. T'hésites pas à nous rappeler, d'accord? Ouais. Salut Mathis. Salut. Ciao. Salut. Salut Mathis. On sent que ça y est là, il est entouré de personnes qui vont assister bientôt à la finale de la Coupe du Monde avec la France. Ça fait vraiment plaisir. On va accueillir Julien. Il a 16 ans. Il nous appelle de Grenoble au 01 42 48 5000. Salut Julien. Comment ça va l'équipe? Bah ça va bien. Julien, tu regardais le match toi? Ouais, on est en finale. On est en finale. On est en finale de la Coupe du Monde et on a battu la Belgique. Putain, et sans déconner, on a une pensée pour la Belgique. Hein. Je sais que Fun Radio fait un carton en Belgique, donc on pense fort à vous. Il fallait un gagnant. Bon bah c'est nous et j'ai envie de dire ça nous arrange. Alors Julien. Oui. Julien, t'appelles pourquoi toi? Bah en fait, je pense que je suis précoce. Ah, c'est-à-dire que tu jouis très rapidement, c'est ça? Exact. Ok. C'est quoi très rapidement? Ouais. Oula, alors j'ai déjà fait 3 fois avec ma copine. Ouais. La première fois, j'ai duré 15 secondes. Oui, ça c'est normal. La seconde? La seconde, j'ai duré 1 minute, sauf qu'on avait fait pas mal de trucs, on a fait pas mal de trucs avant, et j'étais vraiment mal. D'accord. Et la troisième fois? La dernière fois, c'était avant-hier, et j'ai duré, j'ai pas compté, mais ça veut dire, genre, j'étais pas longtemps dans le trou, quoi. J'étais genre 30 secondes, quoi. Oui. 30 secondes. Donc il semblerait que tu sois porteur d'éjaculation prématurée. Bon, c'est quelque chose de très fréquent. Hein. Dans les statistiques, c'est un homme hétérosexuel sur 5. Donc ça fait du monde. Ouais, voilà. Puis surtout quand on n'a pas trop l'habitude, qu'on découvre. Ça, bien sûr, les premières fois, ça, c'est voilà. Les premières fois avec une partenaire, avec une nouvelle partenaire, c'est sûr, c'est rapide. Donc voilà, je te souhaite de rester avec celle-là longtemps. Mais enfin, si jamais t'en changeais, ça peut arriver aussi la première fois avec la prochaine. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a des solutions pour que Julien arrive à tenir, je sais pas, 5-10 minutes au moins? Oui. Il y a déjà prendre confiance, c'est-à-dire que chez certains hommes, le seul fait de rester avec la même copine, plus ça va, plus ça avance, et juste prendre confiance en elle, en soi et dans le couple, et petit à petit ça s'améliore. Il y a déjà ça. Ok. C'est pas qu'on se lasse genre de la chatte de sa meuf aussi, non? Non, c'est pas parce que tu te lasses que ça dure plus longtemps. Hein. Ah non, et puis comment se lasser de ça, quoi, j'ai envie de dire. C'est, à chaque fois, c'est un renouvellement, je t'assure, Julien. Non, mais est-ce que c'est pas un cercle vicieux aussi, où ça t'arrive une fois et après t'arrêtes pas d'y penser, quoi? Oui, peut-être. Alors, on demande à Julien déjà, oui. Ouais, tu dis peut-être. T'es d'accord avec ça ou pas, ouais, Julien? Ouais. Après, j'essaie d'imaginer des trucs pour durer plus longtemps. Genre, tu sais, parfois, je m'imagine des têtes de pigeons, enfin, tu sais, un truc dégueulasse. Comme ça, tu sais, je dure un peu plus longtemps. Ah ouais. Bon, ça redescend, mais moi, je tiens une seconde en plus, quoi. Ouais. Oui, ça peut marcher à partir. Comme tu penses à autre chose, l'érection va baisser un peu et ça peut faire que tu sois moins excité. Maintenant, c'est pas très cool du côté érection, qualité du rapport sexuel, etc. Parce que t'es quand même en train de penser à autre chose, quoi. Et est-ce qu'il y a des exercices? Est-ce qu'il y a des exercices, Wilfried? Qu'il peut faire? Aujourd'hui, il y a des médicaments. Déjà, faut le savoir. Enfin, il y en a un. Bon, si on a envie, c'est toujours une béquille, ça peut toujours servir. Et puis, deuxièmement, effectivement, il y a une thérapie qui fonctionne et où on apprend à faire autrement, à respirer, à s'arrêter, à faire des stops, la bascule du bassin. Enfin voilà, c'est tout un protocole. Moi, je dis, c'est un peu de la kiné, c'est un peu aussi comme apprendre à conduire. L'éjaculation prématurée, c'est un peu comme si on avait appris à conduire sans auto-école. Et ben là, on retourne à l'auto-école. Donc, il faut désapprendre la façon de faire et en apprendre une nouvelle. Ça marche bien. Après, surtout quand on commence tôt. Quand on a 16 ans, on va pas prendre de médicaments, non. On va pas non plus faire une thérapie. C'est pas très long, hein. C'est 10-12 séances, et puis après on a toute la technique, et puis une fois qu'on le sait, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Il faut aussi être patient. Je pense que le rôle de la copine aussi, c'est important, bien quoi. Bien sûr. C'est aussi un test, hein, l'éjaculation prématurée. Ça permet de voir qu'est-ce que dit ta copine. Si elle dit, oh putain, ça fait chier, franchement, t'es nul. Bon, bah, c'est peut-être pas avec elle qu'il faut rester. Tu comprends, Julien? Ouais. En tout cas, après, il n'y en a pas 36 000 qui écartent leur cuisse à 16 ans, quoi. Donc, ouais, mais bah, Julien... si tu cherches juste quelqu'un qui écarte ses cuisses, à un moment, c'est un peu limité, hein. Enfin, je sais pas, limite, tu sais quoi, avec cette phrase comme ça, bah, je suis bien contente que tu sois précoce, tu vois. C'est clair. Comme ça, elle les écartera pas bien longtemps, ses cuisses, hein. Bah ouais, pourquoi tu dis ça, Julien, en fait? Bah, c'est vrai, quoi. Enfin, c'est cool, comme ça. Pas... C'est cool d'avoir une meuf, mais c'est cool aussi de faire l'amour. Bah, et faire l'amour en deux secondes, c'est chiant. Oui, mais tu sors avec ta copine, pas parce qu'elle écarte ses cuisses, parce que t'as quelque chose pour elle, parce que c'est ta copine, parce qu'il y a un feeling, parce que tu la kiffes, non? Bah ouais. Bah alors voilà. Il y a aussi l'amour. Enfin... Bien sûr, mais quand tu te mets avec quelqu'un, il n'y a pas écrit sur sa tête, je baise au bout de deux jours. Enfin, tu vois, tu ne le sais pas à l'avance, donc ça n'a aucun sens, ouais, ta phrase. Tu veux juste, ouais, bon, on a compris, t'as fait trois fois l'amour, on est fiers de toi en tout cas. ouais, non, mais voilà. Forcément, je viens. Il fait le macho. Bah, un oui, peu, voilà, un peu. Donc, bon. Il essaye. Il se fait des glingues, et tu te fais des glingues par Alice. Et tu vas aller voir ta mère, tu vas pleurer ce soir, Julien. C'est normal, tu peux pas parler comme ça, Julien. Tu vois, bah, à un moment non, donné. Ça n'a pas de sens. Surtout quand t'arrives et que tu nous dis, ouais, bah, J'ai Jacques en 10 secondes. Je suis bien content d'avoir trouvé une qui écarte les cuisses, quoi, à 16 ans. C'est elle qui va aller trouver un mec qui sait tenir plus que 30 secondes, à mon avis, plutôt. Maintenant qu'elle a écarté ses cuisses, comme tu dis si bien. Julien, en attendant, c'est pas grave. Ça arrive à beaucoup de mecs. Et il y a des solutions. Et il y a des solutions, donc ne t'inquiète pas. D'accord, mon Julien? Ok, bah merci à tous. Et puis désolé si j'ai été offensant. Alice, je te fais des gros bisous. Bah, je t'embrasse, voilà, aussi. Ah, mais c'est bien. Non, mais moi, c'est avec tout mon amour que je te dis ça. Je te dis ça justement pour éviter que tu tombes sur une hystérique qui t'arrache les yeux dans la rue quand tu diras un truc comme ça, tu vois. Mais je pense que vous faites les malins, mais c'est bien aussi de respecter jusqu'au bout. T'es avec ta copine, tu l'aimes. Et c'est d'ailleurs peut-être même pour ça que t'éjacules au bout de 30 secondes. Parce que t'as des sentiments pour elle. Donc, c'est pas une fille comme ça juste qui écarte les jambes. Mais dites là-dessus, mon Julien. Allez, salut à toi. Salut, bonne soirée. Ciao. J'adore. Julien va rentrer, tu sais, la queue entre les jambes. Faut pas qu'il croise Alice dans la rue. Ah ouais. Bah, c'est peut-être en pensant à moi qu'il va tenir plus longtemps, tu vois. Tellement là, bon. Là, il pense à des pigeons pour l'instant. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas pour cette soirée qui était un petit peu particulière avec la victoire de l'équipe de France. J'ai compris le concept. C'est deux salles, deux ambiances. T'as une salle qui avait le match, qui a vécu le truc pendant deux heures. Et nous qui étions avec Julien, qui est éjaculateur précoce. Mais on a vécu ça, nous aussi, justement. On est tellement contents. Grave. La France est en finale de la Coupe du Monde. C'est juste. C'est peut-être une deuxième étoile sur le maillot. Oh là là, ça va, Mario Anso? Ah non, mais là on est en transe. Hein. C'est le feu dans mon corps. Alors, c'est le feu dans votre corps et j'ai l'impression que l'équipe a picolé ce soir. Non, franchement, ah, on est sobre, on est heureux. Si. Non, mais je parle toujours du même, mais avoir les yeux vitreux de Thibaut. Et bah, figure-toi que j'ai pas bu parce que je conduis après, donc j'ai vraiment bu un verre du coup pour fêter ça, mais j'ai pas bu. La France va faire la fête pour fêter cette victoire de l'équipe de France face à la Belgique et elle va faire la fête en écoutant Marion Hensel, le Night Show. Vous êtes prêtes les filles? Oui. Allez, c'est parti, le Night Show sur Fun Radio. Chaque soir à 22h, la foule les acclame. Allez, Marion Hensel est magique. Elle joue à guichet fermé devant des milliers de personnes. Elle mouille le maillot chaque soir pendant 120 minutes, rien que pour vous. Qui ne sonne pas les balais chauds? Qui ne sonne pas les balais chauds? Et surtout, elles sont mieux coiffées que n'importe quel footballeur. Et il y a du boulot. Aux armes! Aux armes! Nous sommes l'étranger! Nous sommes l'étranger! Et nous allons gagner! Et nous allons gagner! Allez la France! Allez la France! Tous les soirs. Il est 22h04, Marion et Hensel Night Show en direct sur Fun Radio. Franchement, c'est un truc de ouf à vivre parce que on est trop contents de le partager tous ensemble. Ça arrive quand même assez rarement d'avoir comme ça une équipe en finale de la Coupe du Monde. Putain, mais les gars, on leur fait bordel! Ah Merci les Bleus, merci cette équipe de France. On était tous là en salle de réunion avec toute l'équipe Fun Radio. On a vibré, allez voir nos stories Marion Enzo. Nos thèmes. Nos stories Fun Radio, on vous aime tous. C'était un truc de malade, grosse pensée quand même pour tous les Belges qui nous écoutent et qui sont certainement très déçus ce soir. Vraiment respect à cette équipe belge, mais qu'est-ce qu'on est heureux nous les Français. Ouais. Franchement on est trop trop contents, ça veut dire que dimanche finale de la Coupe du Monde, on connaîtra notre adversaire demain puisque ce sera l'Angleterre contre la Croatie. Oui. On va découvrir ça ensemble dimanche, mais surtout dimanche ça va être quand même un truc de ouf quoi. Oh. Toute la France va être derrière les Bleus, franchement c'est bien les gars, bravo mon Dédé. Alors c'est vrai qu'on avait prévu une émission de libre antenne comme chaque soir, mais là on peut pas, c'est juste la teuf, la France est en finale de la Coupe du Monde et moi je propose que dès maintenant Babou, allez, tu te casses. Allez, tu vas sur les Champs-Élysées, tu prends un scooter, tu vas avec l'équipe Fun, tu vas nous faire vivre tout ce qui va se passer là dans les rues de Paris. Allez. Et vraiment, je compte sur toi parce que il faut que quelqu'un dans cette équipe fasse la teuf et il faut qu'on ait comme ça des échos de ce qui se passe dans les rues. Eh ben vous avez bien fait, je vais vous faire vivre ça comme il se doit, ça klaxonne déjà, je l'entends à côté de la radio, donc j'y vais tout de suite. Vas-y Babou. On reste là, je suis avec Thibaut à l'Area. Bonsoir. Bonsoir. Je suis comme un fou. Ouais, oui. Ça y est, je commence à prendre goût au foot. Je sais ce que c'est maintenant le foot. Non, mais c'est énorme. C'est des émotions énormes à vivre. Je suis tellement contente. Franchement, j'avais envie de chialer. Ouais. J'ai toujours envie de chialer. Je suis trop heureuse. Il y a Flo qui est là aussi. Ouais. Bonsoir. Ah, bah super content. Je crois que je suis en train de perdre ma voix par contre. Ah, ouais, non, mais vous, si vous saviez comme on a crié, comme on s'est énervé, comme on était content, comme on a flippé dès que les Belges avaient la balle, c'était un truc de malade. Hein. Oui, Flo. Alors, on se plaint, on s'excuse d'avance à la direction de Fun Radio. On a niqué un bureau. Ouais. On vous le dit. C'est vrai qu'en fait, il s'est passé un truc, c'est-à-dire qu'il y a eu un but, et à ce moment-là, on a sabré le champagne. Ouais. Le champagne est monté au plafond. Sur les murs. Bon, voilà, mais ça va sécher. Oui, mais l'odeur. On est hyper contents, du coup, on se dit, on partage ça tous ensemble. J'imagine que vous aussi, vous êtes contents chez vous à la maison. Donc, ce qu'on va faire là, à partir de maintenant, il est 22h06, Anso est parti sur les Champs-Élysées de Paris, parce qu'à mon avis, ça va être la grosse teuf. Ouais. On va avoir plein de monde, on va avoir des réactions en direct, etc. Et vous, où que vous soyez en France, si vous faites la teuf, si vous êtes avec des potes, si vous êtes à la maison, je veux savoir comment vous vivez cet événement, je veux savoir ce qui se passe, je veux entendre de l'ambiance. Donc, vous nous appelez dès maintenant au 01 42 48 5000, et on va se faire une grosse demi-heure juste de kiff parce que la France est en finale de la Coupe du Monde et que ça se fête. Pour le son, on va s'écouter Ed Sheeran ce soir. Je vous propose également Dadju. Dadju qui doit être en feu aussi, j'en suis sûre. Hein. C'est tellement bon la France en finale de cette Coupe du Monde. On est en Facebook Live là d'ailleurs sur toutes les pages en Fun Radio, Marion et Enzo. Vous pouvez comme ça voir un peu ces auditeurs qui sont venus nous voir en studio. Viens me voir mon chat, comment tu t'appelles? Viens. Bah oui, quand même. Moi c'est Mick. Alors comment on vit cette finale de Coupe du Monde, Mick? C'est le jour de l'anniversaire de mon fils, donc... Bon anniversaire Owen et bravo bien. Le beau cadeau. Bien, parce que quand même c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait avoir. Est-ce que t'es content mon chat? Ouais, je suis content. Ouais. Ah bah oui, franchement, la France gagne, c'est ton anniversaire, tout va bien. C'est pour toi qu'ils l'ont fait. Eh oui, c'est pour toi. C'est pour Owen, cette finale. Bon, appelez-nous, hashtag le Night Show, on partage, on kiffe tous ensemble. On va retrouver Anso dans un instant là sur les Champs-Élysées. Allez-y, 01 42 48 5000. On peut aussi parler d'autres choses. Hein. Oui. On est là avec vous jusqu'à minuit. Hein. Le Night Show, c'est votre émission. Donc si vous voulez nous confier un secret, nous parler d'un problème, juste partager votre joie. Allez-y, le numéro c'est toujours le même, 01 42 48 5000. On se retrouve après. C'est si bien cool. version of myself. 'Cause now all I want is to be a part of my new world. Whatever happens in the future, trust in destiny. Don't try to make anything else, even when you on est en finale de la Coupe du Monde, les amis. Il est 22h11 et on est très heureux de partager tout ça avec vous sur Fun Radio. Merci parce que vous êtes très nombreux, que ce soit sur les Facebook Live, que ce soit sur les réactions Twitter, à nous appeler déjà au 01 42 48 5000. L'idée, c'est quoi? Eh bien, pour ces premières minutes d'émission, c'est simplement de partager notre joie. Anso est parti sur les Champs-Élysées en scooter, donc on va avoir un petit aperçu de l'ambiance là-bas. Mais en attendant, je vous emmène du côté de Lyon. Du côté de Morgane, 20 piges. Bonsoir Morgane. Salut Morgane. Est-ce qu'on est content de la blague? Oh, ça n'a aucun sens. Morgane, comment ça va? Mais ça va super bien. Comment tu veux que ça aille pas? J'étais comme une dingue sur mon canapé, popcorn et tout. J'en ai foutu partout parce que je me suis mise à sauter sur place. C'est trop feu, quoi. Alors, t'étais avec qui, toi, pour cette demi, là? Comment tu l'as vécu? Raconte un peu comment ça s'est passé. Alors, moi, j'étais juste toute seule chez moi, tranquille, à fond sur le match, à écouter à la radio, parce que j'ai pas la télé chez moi, mais à écouter à la radio, à Lisa et tout, à fond, tu vois. Ah ben, c'est énorme. Franchement, on est ravis, on est très fiers de ces Bleus. Est-ce que tu vas aller faire la fête maintenant ou tu restes à la maison? Je vais rester à la maison parce que je travaille demain et pour dimanche, on va sortir le foie gras, le saumon, toute la fête à la maison, quoi. Énorme. Et dimanche, tu le fais avec des potes, du coup? Ouais, avec des potes et mon copain, ouais. D'accord. C'est obligé. Et alors, petit pronostic, tu penses que la France va affronter qui? L'Angleterre ou la Croatie? Je sais pas trop, je suis pas trop penchée sur les autres équipes, tu vois, je suis restée à fond sur les Bleus, quoi. Vous pensez quoi, vous, les garçons de l'équipe, là? Flo, qu'est-ce que t'en penses, à ton avis? La Croatie, à mon avis. Moi, ils sont quand même solides, l'Angleterre, elle est un peu jeune. Moi, je pense que c'est l'Angleterre. Moi, je pense Croatie, et je trouve que ce serait une magnifique finale, mais on verra. Peu importe, de toute façon, les Bleus sont qualifiés. Morgane, kiffe ta vie toute seule à Lyon, tu nous écoutes jusqu'à minuit, tu vas voir, ça va être une émission de ouf. Avec plaisir les filles, bisous. Bisous mon chat. On va retrouver Anso dans un instant là en direct des Champs-Élysées. Donc restez bien là, on va vous mettre des stories, on va faire un Facebook Live évidemment. J'imagine que c'est la teuf partout en France. Ah, de ouf. Donc si jamais vous êtes en train d'écouter la radio, si vous êtes en bagnole, n'importe, appelez-nous, criez avec vos potos. Enfin bref, on kiffe tous ensemble. On célèbre ces Bleus qui nous ont fait vibrer encore une fois ce soir. Ça se passe au 01 42 48 5000. Et c'est vrai qu'on va aussi vous offrir bien du cadeau dans un instant. Ah ouais. Il y a pas de raison, vous l'avez promis. Encore une fois, ce soir, on vous envoie à Disney. Ça va se jouer là dans un instant, dans 20 minutes sur Fun Radio. On vous envoie non seulement kiffer votre dimanche prochain à Disney le 14 juillet, mais en plus assister à l'avant-première du film Ant-Man et la Guêpe. Pour vous inscrire, 01 42 48 5000, on vous attend au standard. On partage tout ça tous ensemble. Et les gars, allez-y, un petit coup de vent, on est en finale, s'il vous plaît. Faites-moi rêver. On est en finale! Ça arrive sur Fun Radio, on kiffe tous ensemble, hashtag le Night Show. Merci les Bleus. Retrouvez l'émission sur Facebook. Marion et Anso. Les meilleurs DJ de la planète vous donnent rendez-vous à l'Electro Beach Music Festival avec Fun Radio. Electro Beach. Jeudi, à partir de 16h, vivez l'événement en direct avec JB et Adrien Thomas. 8 heures de mix non-stop et des interviews exclusives des plus grands DJ sur place. L'Electro Beach 2018 à Port-Barcarès, c'est avec Fun Radio. Le son Dancelor. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Salut Adrien. Alors dis-moi, t'es chaud pour tes mix et tes sets de l'été? Mais carrément, Miko, j'ai les platines, la playlist, y'a plus qu'à. Y'a plus qu'à choisir ton Sam. Sam? Oui, Sam! Celui que tu désignes avant de sortir, celui qui conduit et qui ne boit pas. Bien sûr, Sam, le super pote qui a le super pouvoir de te ramener en toute sécurité. Voilà, le super pote comme moi, quoi. Cool! Sam, ce soir, c'est toi. Exactement. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Et si on profitait d'un forfait à petit prix dans toute l'Europe? Moi, avec Orange, j'ai un forfait 30 gigas. Et moi, avec Orange, mon forfait 30 gigas est à seulement 9,99€. Bah, le mien, je peux l'utiliser en Europe pour faire des visios avec mes meufs. Ouais, avec ta mère et ta sœur, quoi. Pff, jaloux. Avec Orange, profitez dans toute l'Europe du forfait mobile play 30 gigas à 9,99€ par mois pendant un an, puis 24,99€ pour clients open. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 22 août en métropole. 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients conservant leur numéro de mobile. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr. Cet été, la série En Famille est de retour. Coucou, c'est nous. Pour votre plus grand bonheur. C'est stylé, bravo. Jacques, Brigitte, Marjorie, Antoine, Chloé, Kader et Roxane vous donnent rendez-vous tout l'été. Bah ouais, quoi, c'est de l'amour, hein. Nouveaux défis et nouveaux conflits. Mais qu'est-ce que vous insinuez? Bah que cet été, c'est sûr, chez les Le Kervélec, ça va bouger. En Famille, nouvelle saison inédite, c'est tous les soirs à 20h25 sur M6. Oh, oh, oh, M6. En partenariat avec Fun Radio. Vous connaissez Marion? Yes! Vous connaissez Enzo? Yes! The Night Show! De 22h à minuit sur Fun Radio. La France se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde. Oui, je sais, ça fait 14 fois que je le dis, mais je m'en fous. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est la joie dans mon corps, c'est la joie partout. Vous êtes très nombreux à nous appeler pour partager tout ça et c'est cool. On aura Anthony, Fanta, Maeva dans quelques minutes. Mais avant ça, on va quand même récupérer celle qui est partie en envoyé spécial sur les Champs-Élysées. C'est vrai que... Ça doit être le feu. Je ne sais pas si vous connaissez bien Paris, mais quand même, les Champs-Élysées, quand il se passe un événement de cette envergure, c'est là où il y a la teuf. Ah bah oui, ouais. Anso, est-ce que tu es là-bas? Je suis sur les Champs-Élysées, les gars. Alors, je suis place de l'Étoile, c'est le feu, il y a des feux d'artifice, il y a des fumigènes. Je suis avec des gens aussi qui sont là, les gars. Est-ce que vous êtes contents? Mais on fait là. Ah oui. Je suis trop content. Mais attends, c'est un truc de ouf. Là, c'est la klaxonne de partout. Il y a des vieilles voitures de collection, les gens sont sur les toits des voitures. L'Arc de Triomphe commence à être juste allumé. Alors, je ne sais pas s'ils vont le mettre en bleu, blanc, rouge, enfin. Mais c'est une ambiance, les gars. Tu croises n'importe qui. Si tu veux, c'est ton meilleur pote, quoi. Ah, c'est génial. Non, mais mesurément. Allez, allez. Allez, allez, allez. Babou, babou. Oui. Est-ce que... C'est magnifique. Comme en 98, quoi. Non, mais c'est un truc de malade. Je te jure, c'est un truc de fou. On est énorme. Jeu, tellement on est content. Bon, Bab, est-ce que t'as moyen de lancer un Facebook Live et de nous faire vivre un petit peu tout ça? Parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant. On a besoin des images. Donc là, ça va être ta mission. Tu te débrouilles, mais... Facebook Live tout de suite. Eh ben, merci. Tu te lances en Facebook Live. Nous, on va suivre tout ça sur la page Marion et Enzo et Fun Radio. Et puis, tu fais signe. Hein, dès que quelqu'un a envie de passer sur l'antenne de Fun, dès que tu repères un petit phénomène, tu nous le dis, d'accord? Ok, ça roule. Oh, bon, Facebook Live tout de suite. Allez, à tout à l'heure, Babou. Bisous. Non, mais c'est magnifique. Ça doit être ouf. On peut pas y aller? Bah, toi, tu peux y aller, mon chat, si tu veux. Moi, il se trouve que quand même, faut que je reste tenir la baraque. On fait de là-bas. Ah, c'est un peu compliqué, techniquement. Il y a Anthony qui nous a appelé de Toulouse. On va voir comment c'est l'ambiance, eh bien, du côté du sud, du coup. Bonsoir, Anto. On est en finale, Anthony. Et bonsoir, l'équipe. Ça va, et toi, mon chat? Eh bien, ça va, on est en finale. Ah, il paraît. Alors, raconte-nous, comment t'as vécu ça du côté de Toulouse? T'étais où, avec qui? Dis-nous tout. Bah écoutez, j'étais chez moi avec mes parents et puis on regardait ça, voilà, en famille, tranquille. Et puis bon, on a admiré le match à fond, avec l'équipe, on vous a pas oublié. Et là, est-ce que vous faites un peu la teuf, ouais, avec papa-maman, là, où ils sont partis se coucher? Ah, mon père est parti se coucher, ma mère va regarder le mag. Ah ouais, oh, c'est... Ouais. Quand on dépasse 50 ans. Hein. Ouais, bon, papa, il est petit joueur quand même. Hein. Hey. Il ira mieux dimanche. Quand on dépasse 50 ans, attention. Hein. Et toi, Bichon, tu vas rester à la maison, tu vas sortir, tu vas faire quoi? Ah, moi, je vais rester à la maison. Je suis à 30 km de Toulouse, donc je reste à la maison. D'accord. Eh bien, écoute, nous, on est là, on est à l'antenne jusqu'à minuit. Tu nous écoutes, on fait ça tous ensemble, on est ravis. Ah, bah, bien sûr, hein. On est en finale. On est en finale. On est en finale. Yeah. On t'embrasse et on embrasse tout Toulouse. Bisous, Anto. Ouais, merci, gros bisous. Bisous. On va accueillir Fanta de Vitry-sur-Seine, pas loin de Paris, du coup. Fanta. Oula. Ah oui, alors toi, mon chat. Oula. Toi, t'es contente. Fanta, t'es où là exactement? Là, je suis dehors, je suis une rescapée. Il y a du monde, il y a les voitures qui klaxonnent. Je suis toute seule, j'ai froid, mais je m'en bats les couilles. Non, putain. Hey, tu vas te faire des potes, hein. C'est vrai que c'est un délire. Sortir seul dans les rues, il n'y a aucun problème. Vous allez voir, tout le monde est très festif. Franchement, c'est nickel. Va faire des hugs aux gens, Fanta. Oh, voilà. Bordel. Limite. Eh ben, j'espère que on est tous chauds là pour la France, putain. Eh ben oui, on est chaud. Fanta, est-ce que tu sais, mon chat, ce que tu vas faire dimanche pour la finale? Tu vas la regarder avec qui? J'espère, pourquoi pas avec mes potes, je travaille, mais c'est pas grave, on a rien à foutre, je vais regarder cette finale. J'ai jamais vu 98, moi. Ah bah oui. Ah bah 98, nous, c'est vrai, nous, les anciens, les trentenaires, on la connaît bien. Mais j'avoue, toi, 19 piges, tu l'as pas vécu. Donc tu verras, c'est un kiff énorme. Et c'est vrai que nous, on sera plus à l'antenne à ce moment-là, mais on se débrouillera pour faire des FaceTime, des Facebook Live, des Insta Story, la totale. Fanta, mon chat, on te fait des bisous, kiff. Merci. Je peux faire une dédicace? Oui. Dédicace à tous mes potes qui m'écoutent. J'espère que vous m'écoutez, bande de bâtards. Et dédicace pour moi, ma chaîne YouTube Phantom V. Voilà. D'accord. Merci bien. Et allez, l'équipe de bisous. France aussi. Salut! Bisous, bisous. Bah oui, à l'équipe de France. Mais bon, j'imagine qu'ils ont des félicitations de partout. Je viens d'avoir un SMS d'Anso qui me dit impossible de faire un Facebook Live réseau saturé. Je rappelle que Anso est partie sur les Champs-Élysées. Donc, on va la rappeler dans un instant. Et on s'est dit, bon, bah, faut quand même vous montrer un petit peu ce que ça donne, les gens qui font la teuf à Paris et tout. Sauf que là, il n'y a plus de 4G, il n'y a plus rien. Le réseau est mort. Ah, c'est normal, ouais. Ah oui, c'est pas étonnant. Tout le monde kiffe. Alors, les gars, juste, on a vécu ce match tous ensemble. Ouais. Est-ce que vous, Thibaut, je parle pas trop à toi. Toi, Flo, qui est expert du foot, le moment marquant, le truc. Est-ce qu'il y a un moment où tu as vraiment eu peur? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit on est dans la merde? Est-ce qu'il y a un moment? Il y a Anso là encore. Anso? Ouais. Oui. Non mais franchement les gars, j'arrive pas à vous faire de Facebook Live parce que le réseau est totalement saturé. Ouais. Mais en plein milieu des Champs-Élysées, on est en train de vous faire des vidéos. Ça se baisse, ça chante la Marseillaise, c'est un truc de ouf, quoi. Ah, bah, c'est énorme. Eh ben, tu sais quoi, fais quand même des stories pour les réseaux sociaux, bébé. C'est la tuerie. Vas-y. Facebook Live. Essaye de kiffer, essaye de faire des stories un maximum pour montrer aux gens, d'accord? Ok, les bébés. Allez, à toutes, bisous. Ils sont pas touchés. Non, mais elle est au top, oui, Thibaut. Est-ce que je peux aller dehors sur la terrasse et juste crier, on est en finale? Vas-y. Oh. Allez, vas-y, regarde. Vas-y, en attendant, Flo, je veux ton analyse. Bah non, mais mon analyse, c'est que depuis le début du match, on a eu chaud. Les Belges, c'était pas n'importe quelle équipe. On est en finale. On est en finale. Ah, il y a la voisine qui est là. On est en finale, madame. Oui, allez, reviens. Ah, c'est n'importe quoi. Elle est dehors dans la rue, c'est ouf. Mais les gens, ils sont tous dans la rue, ils sont tous en train de faire des câlins, en train de danser. Ouais. Mais je suis comme un ouf. Avec klaxonner, si vous nous écoutez. Et c'est vrai, Flo a raison, les Belges, franchement, ils n'ont pas démérité. Ouais, ça a été un match du début à la fin qui était très équitable, très qui était très fair-play, j'ai trouvé aussi. Et honnêtement, franchement, à deux doigts, moi j'étais à deux doigts de me dire, ils vont en mettre un et on est bon pour les prolongations. À la fin, ça s'énervait un peu. On sentait qu'il y avait. Mec, l'enjeu est là aussi, c'est une demi. Mais tu vois, il n'y a pas eu trop de stimulation. C'était la meilleure équipe qu'on ait combattue. C'était vraiment, vraiment un très joli match. On va retrouver Maëva qui nous appelle de Saint-Brieuc. Bonsoir Maëva. Oui. Bonsoir. Maëva, 39 piges, comment ça va? Ça va, on est en finale. On est en finale. Alors Maëva, bah, même question qu'à tout le monde. Hein. Tu étais où et avec qui? Alors j'étais à Saint-Brieuc, alors je l'ai regardé toute seule parce que mon chéri n'apprécie pas trop le foot, donc j'ai regardé. Oui, non mais là... Bah oui, bah après tout le monde n'aime pas le foot, hein, voilà. Moi je regarde que la France aussi, je suis pas très fan, mais là je voulais suivre en plus face à la Belgique, c'était un beau match. C'était un magnifique match, et est-ce que il est rentré là ton chéri quand même, non? Ah oui, mais il est testé, il s'intéresse pas au foot, donc après chacun... Oui mais là on est en finale. Bah d'accord, mais attends... Mais, voilà. Et du coup, est-ce que vous allez quand même fêter ça ou vous allez rien faire? Non, on va rien faire. Oh, oh non bah. Oh bah non, c'est trop triste, Maëva. Moi, je veux que tu sortes à Saint-Brieuc, je veux que tu fasses péter les cotillons et tout ça, quoi. Ah bah ouais, mais... Bon. Après, voilà, moi j'ai regardé, je suis pas très fan non plus de foot, ouais. Mais c'était la France, donc j'ai fait honneur à la France. Dimanche au moins. Eh ben c'est bien, et j'espère que tu leur feras dimanche, honneur dimanche. La finale, ah bah oui, finale, évidemment. Ah ouais. Bah, évidemment. Eh ben ça évidemment. Va être énorme. Merci ma petite Maëva, ouais. On t'embrasse et bravo d'avoir supporté rien. Seul les Bleus. Oui, bah oui. On peut me repasser le standard pour un petit cadeau? Ah évidemment, on t'envoie un pack Fun Radio et puis tu gères ce que tu veux avec eux, d'accord? D'accord, pas de soucis, merci. Bisous, bisous. Oui, bisous. Tu vois à l'arrière. Est-ce que vous avez remarqué que dans les matchs de foot, t'as toujours envie de faire des vannes? Tu vois, on a fait un truc à Marion tout à l'heure quand elle est partie faire pipi. T'as toujours envie de faire ce truc, tu vois. En gros, ce qu'on a fait, c'est que quand Marion est partie faire pipi, on a tous fait genre qu'il y avait eu un but de la Belgique, tu vois. Ah, mais c'était une vanne? Ben oui, c'était une vanne. Ah, parce que moi, je pensais vraiment qu'il y avait une action de ouf belge et j'étais aux toilettes. Oui, mais parce t'as que... bien vu qu'il n'y avait pas eu de but de la Belgique. Oui, mais je me suis dit, on est passé à ça, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que les toilettes sont collées à la salle de réunion, là où on regardait le match. Et au moment où je suis partie, ils ont tous hurlé, oh non, non, non. J'ai flippé ma race, j'ai jamais fait pipi aussi vite de toute ma vie, quoi. Mais c'était super cool, en vrai, de pouvoir vivre ça avec vous tous, là. Moi, je suis trop contente et je suis hyper déçue de pas être à l'antenne dimanche prochain, du coup. Hein. Mais si tu m'en viens. Ça aurait été le feu. Bah, c'est vrai que, voilà, on va pas se mentir, la dernière du Night Show pour cette saison, c'est demain soir, mercredi. Donc, on sera pas là, on vous fera vivre ça sur les réseaux sociaux et autres, mais je trouve ça trop dommage de pas faire une émission après. Ah bah moi je suis chaude hein. Si vous voulez faire une émission dimanche soir et que Fun Radio accepte, je suis au taquet. On peut demander hein. Bah on peut demander. Ah bah quand même. Et est-ce que t'as le numéro de Sébastien Joseph, toi, le directeur des programmes? C'est-à-dire que Anso est parti donc sur les Champs-Elysées avec mon téléphone portable. Ah alors vas-y, je vais te le donner. Moi j'aimerais bien savoir ce qu'il fait, où il est en ce moment, qu'on l'appelle en direct et tout, parce qu'il y a pas de raison. Non mais donne-le à l'antenne. Ah bah non, attends. Je le regarde, je vais le donner au standard, ce sera beaucoup mieux. Attends, Sébastien Joseph. Mais je sais pas en quoi je l'enregistre. Avec tous ses potes là de toute façon. Je crois que je l'ai enregistré à Seb, mais je suis pas sûre. Et t'as Lucas, hein? Ouais. Attends. Bah oui, t'as raison. Lucas Fun Radio. Voilà. Respecte-le un peu, c'est ton boss quand même. Attendez, j'ai plus le numéro du gars. Ça, c'est mauvais signe pour les prochaines. Je sais pas, non mais on va appeler n'importe qui. Je sais pas qui c'est. Personne ne l'a sinon. Bah, moi, j'ai pas de portable. Attends. Oula, on panique pas. Je vais voir dans WhatsApp parce qu'il m'a envoyé des WhatsApp il y a pas si longtemps. On panique pas. Regarde à celui qui paye mon loyer. Alors, groupe, on a un groupe tous ensemble. Non, mais ce serait ça quand même cool partouze, le groupe. De voir ce qu'il fait. Ah, c'est ça, Lucas, effectivement, t'avais raison. Allez, venez les bichons, je l'ai là. 06 42 79. Non, je l'ai. Tiens, Gigi, amenez-moi ça au standard. On va appeler notre directeur des programmes parce qu'on a envie quand même de savoir ce qu'il est en train de faire en ce moment. On l'appelle et en direct. Vous tous, vous êtes les bienvenus au 01 42 48 5000. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes en train de faire la teuf? Est-ce que vous en foutez? C'est possible aussi, hein. Ce serait relou, mais oui, Flo. Moi, ce qui me ferait kiffer, c'est de savoir là qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires. Ah ouais, qu'est-ce que Didier Deschamps a dit aux joueurs? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, j'ai pas le numéro. J'ai le numéro de Rio Mavuba, en footballeur, mais enfin bon, il est pas dans l'équipe de France. T'as pas d'aider? J'ai pas d'aider, j'ai pas Grisou, j'ai personne. Venez, on l'appelle en direct. Allez, c'est le numéro du bas là? Ouais. Allez, c'est parti, on appelle Sébastien Joseph, juste pour savoir ce qui se passe. Et il va pas répondre, hein, je suis sûr, numéro masqué, il va sentir la douille lui. Hein. Peut-être qu'il écoute, hein, vu que c'est sa radio. Non, je pense qu'il fait la fête comme tout le monde sait, hein, je le connais. On lui laisse un message sinon. Ouais. On lui dit on est en finale. Ouais. Oh, on est en finale. Ouais, on chante. Ouais, au cas où. Et donc c'est ce numéro, énorme. C'est bien ça. C'est bien 0640. Ouais. Nous cherchons votre correspondant. Ah. Bah, c'est quoi ça? C'est les numéros de boss. Nous cherchons votre correspondant, mais vous avez mis le bon numéro? Vous êtes sur le portable de Sébastien. Ah, c'est bon. C'est lui. C'est bon. Message. Vous êtes prêts? On chante. On est en finale. On est en finale. On est en finale. Sébastien, c'est toute l'équipe du Night Show. Et c'est vrai qu'on se disait qu'à l'occasion de cette belle finale où on retrouvera la France, une augmentation aurait été la bienvenue pour tout le monde. En vrai, on voulait juste savoir ce que tu étais en train de faire toi aussi, là, puisqu'on fait un peu le tour de tout le monde. Où est-ce que tu es en train de kiffer? Dans quel bar? Dans quel endroit? Donc n'hésite pas à nous rappeler, s'il te plaît, Sébastien. Donne-lui le numéro du standard, peut-être. 01 42 48 5000. On t'attend au standard. Allez, bisous. Allez, bisous. Dans un instant, je vais vous offrir les places pour aller à Disneyland. Ce sera le 14 juillet prochain pour aller voir le film Ant-Man et la Guêpe. Vous pouvez toujours vous inscrire, 01 42 48 5000. On vous attend aussi pour partager votre joie, pour partager vos problèmes, ce que vous voulez. Ce sera juste après Dadjo sur Fun. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre.

Oui, et sobre en plus, malgré la soirée. Eh bien, grand bien t'en fasse, ce n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que tu as fêté un peu ça? Est-ce que tu as regardé le match déjà? Alors oui, j'ai regardé le match, mais quand on est enceinte de 7 mois, ben, on n'a pas trop le choix. Ah ouais, ouais. D'accord, donc là, tu restes à la maison te reposer. C'est ça, exactement. Enfin, j'essaye. Bon, ma belle, gros enjeu pour toi ce soir, puisque tu vas peut-être gagner tes places pour Disney dimanche prochain, mais pas que, puisque tu vas peut-être aussi gagner l'avant-première du film Ant-Man et la Guêpe avec les acteurs du film, le tapis rouge, le cocktail dînatoire, la totale, d'accord? Ok. Le principe est très simple. Je vais, comme chaque soir, te décrire un personnage Marvel. Tu vas devoir deviner de quel personnage il s'agit. Tu m'arrêtes quand tu veux, ok? Oui, ok. On est parti. Je suis cambrioleur et je dois aider le docteur Henry Pym. Mon vrai nom est Scott Lang. Un film sur ma vie est sorti en 2015 et mon personnage est interprété par Paul Rudd. Mon pouvoir vient de ma combinaison qui me permet de rétrécir ou grandir à volonté. La traduction française de mon prénom est l'homme fourni. Et dans mon nouveau film, je fais équipe avec la guêpe. Qui suis-je? Audrey? Oh non. Oui. Qui suis-je alors quand même? Bah c'est Ant-Man, c'est logique. Elle s'est gagnée. Elle est en finale. Elle est en finale. Elle est en finale. Eh ben félicitations, c'était très facile ce soir effectivement. Oui, c'était très facile, franchement oui. L'homme fourni, c'est Ant-Man. Bah, bien joué ma belle, on t'envoie là-bas dimanche et on compte vraiment sur toi pour nous faire vivre aussi cet événement à base de stories, de photos, tout ça quoi, on reste connecté. Il n'y a et aucun souci. En plus du coup, tu seras vu que c'est dimanche, ce sera la coupe du monde, la finale là en même temps. Eh oui. Ah bah non, le 14 juillet. Ah non, c'est le 15 juillet la coupe du monde. Ah, c'est le 15 juillet. Bah c'est bon alors, tu ne manques pas l'événement. Tout va bien, Audrey, on les aime. On t'embrasse. Bisous. Ben merci beaucoup, en tout cas. Gros bisous, Fan Radio. Bisous. À bientôt, ma belle. 22h37, Anso va bientôt revenir en studio. Ce que je vous propose, moi, c'est de partir sur la terrasse, là, voir comment ça se passe dans les rues. Vous êtes chaud? Checker la température. Allez, je fais un petit transfert de micro. Hop, c'est parti. J'enlève le casque. Je prends le nouveau casque et je prends le micro. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, on t'entend bien. Mais quelle voix! Il paraît que ça klaxonne à fond. Mieux, hein. Je vais voir si on ne m'a pas menti. Si effectivement l'ambiance est là, vous pouvez me suivre sur toutes les stories Marion et Enzo. J'ouvre la porte-fenêtre et je débarque. Qu'est-ce que ça donne? Oh le bordel. Ouh la vache. Ah oui. Ah oui, ça klaxonne de partout, c'est énorme. Attends, Marion, dans le sion, on va plus faire un bruit et essaie de mettre le micro vers la rue. Ok, je le mets vers la rue. Bah c'est tout. Vous entendez? Ouais, on entend les klaxons. Ouais, au début, ouais. Ah non, mais c'est énorme. Alors moi, je suis là et ça klaxonne de partout. Il y a des voitures, vous savez, avec les drapeaux français qui dépassent de partout. Bah il y a un bouchon, hein, carrément. Les gens hurlent et tout, mais quel kiff. Franchement, c'est beaucoup trop bon. J'ai envie de descendre dans la rue aussi, là. C'est hyper frustrant. Continuez à nous appeler 01 42 48 5000 si jamais vous aussi, vous êtes en train de faire la fête. Je sais pas, dans la voiture, n'importe où, en partage, quoi. La France, elle est en finale. Bah ouais. Ça fait longtemps que vous avez pas chanté, ah non bon. On est en finale, on est en finale, où ça? On est en finale. Et Chiran pour le son, c'est maintenant sur Fun Radio, le remix de Tiesto. On est tellement, tellement contents de vivre cette soirée avec vous pour faire de la radio avec nous, 01 42 48 5000. Et on va faire un peu de libre antenne là dans un instant, parce que ça va faire du bien aussi, on va se calmer. Hein. Down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart, you look happier. So you walk inside a bar, you said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Friends told me one day I'll feel it too. you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Vous êtes sur Fun Radio, il est 22h41, je m'appelle Marion, je suis seule pour l'instant puisque j'avais envoyé Anso qui fait cette émission tous les soirs avec moi dans les rues de Paris sur les Champs-Élysées pour nous faire vivre un petit peu cette ambiance incroyable. La chatte. Ah oui. Puisque la France est en finale de la Coupe du Monde. Dans un instant, on va vous avoir vous tous au téléphone, là vous nous faites vivre cette ambiance partout en France. Mais avant ça quand même, je voudrais vous lire le message d'Alicia. Il reste deux émissions et Alicia voulait vraiment vraiment qu'on lui donne ce petit coup de main. Donc on s'est engagé, on va le faire. Elle nous dit « Coucou les beurs, je vous écoute depuis très longtemps, vous êtes géniaux, ne changez rien. Je voulais juste vous demander si ça serait possible ce soir de passer de la K-pop, s'il vous plaît, que ce soit BTS, EXO, Big Bang ou encore Blackpink, ça ne fait rien et je suis sûre que ça ferait plaisir à certains qui n'osent pas demander et à d'autres de découvrir cette tendance musicale. Encore merci, vous êtes géniaux. » Alors la K-pop, est-ce que vous connaissez les garçons en équipe ? Eh ben justement, tu vois, il y a deux groupes que je connais et que j'aime beaucoup dans ce qu'elle dit, c'est BTS et Blackpink, et j'adore les deux, tu vois. Eh ben est-ce que t'as un extrait qu'on fasse découvrir un petit peu tout ça ? Parce que moi, c'est vrai que je suis pas calée. Alors, eh ben du coup, j'ai un iPad et dans ma musique de l'iPad, j'ai BTS justement. Ouais. Des millions et des millions de vues sur YouTube, c'est ouf. Mais là, comment on pourrait définir ce style de la K-pop ? Bah, c'est la musique en gros qui vient d'Asie. Ouais, c'est ça. Hein. C'est les meilleurs, ils savent tout faire, ils peuvent faire de l'électro bien hard, de l'électro un peu pop, ils peuvent tout faire. Ah, c'est cool. Donc là, t'as BTS ouais. Et t'as aussi Blackpink que j'aime bien. Attends, je vais te le trouver, je l'ai dans ma playlist de musique. En plus, ça, je vous le mets souvent dans le bureau. Bah ouais. J'adore ça. Alicia, on a répondu à ta demande, ma belle. Tu voulais que de la K-pop passe sur Fun Radio. Eh bien, c'est chose faite. Et je suis d'accord, ça peut faire plaisir à beaucoup de personnes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dites-nous si vous aussi, vous avez envie de nous faire découvrir une tendance là sur Fun. Ça peut être musical, ça peut être, je sais pas moi, une tendance fringue, une façon de parler, n'importe quoi. Tout, quoi. Voilà, vous voulez bien développer un truc qui vous tient à cœur, c'est le moment. C'est l'avant-dernière émission du Night Show. Vous êtes les bienvenus. Vous venez nous faire découvrir ce que vous avez envie. 01 42 48 5000. On vous attend là dans un instant. Mais avant ça, on va quand même retourner eh bien, du côté de la France. Du côté de Marseille même. Je vous emmène chez Mano. Bonsoir Mano. Ah, Mano ! Bonsoir. Alors, je vais vous chanter une petite musique. Oula. Oui. Je vais vous chanter là. Vas-y. Allez, c'est parti. Oui. C'est la finale. Belgique, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. C'est la finale. Allez les bleus, on va gagner. Très très bon. Et voilà. Et Mano. Et c'est comment l'ambiance du côté de Marseille là ce soir après cette qualif? Justement, en fait, je vais demander un petit peu. Là, je descends, je vais à Lançon. Et dès Lançon, je vais arriver à Marseille et je vais klaxonner à fond. Ah, c'est bon ça. Voilà, malheureusement, je suis au travail. Eh ben, profite de cette belle soirée et bravo pour ce joli remix de Bella Ciao. merci beaucoup. On t'embrasse. Ciao, ciao. Bisous, à bientôt mon chat. Ils sont énormes quand même. Continuez à nous appeler là si vous voulez nous faire vivre l'ambiance bien de votre région. Ça se passe au 01 42 48 5000 et c'est le même numéro si vous voulez nous faire partager une nouvelle tendance. Allez-y, hashtag le Night Show. On va s'écouter aussi du son dans un instant. Clean Bandit. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Un son de victoire, ça, Clean Bandit. Ah, c'est vrai. On est en direct, Anso va revenir aussi à des Champs-Élysées, elle débarque, elle est sur le scooter, dans même pas 5 minutes, elle est là. Retrouvez l'émission sur Facebook. Marion et Anso.

C'est l'heure de Marion Yanso. The Night Show. It's the Night Show. De 22h à minuit sur Fun Radio. Elle est rentrée, ça y est. Anso, notre envoyé spécial qui était parti sur les Champs-Élysées de Paris. Qui en a vécu des choses. Allez voir nos stories sur Marion Yanso, l'Instagram, le Snap. Elle est revenue en studio. Ça va, Babou? Ah non, mais c'est un truc de malade en vrai. C'est un truc de ouf. Les gens. Alors j'ai vu un gars quand même qui était assis en tailleur sur une voiture qui roulait. C'est vrai qu'il y a les CRS et tout. Forcément, il y a un peu de sécu quand même. C'est les Champs-Élysées. Ils disent rien. Ah ouais. Tout le monde est bonheur, tout le monde est amour. Les gens se serrent dans leurs bras. Il y a un camion qui est en plein milieu de la place de l'Étoile. Donc c'est le plus gros rond-point de Paris avec l'Arc de Triomphe au milieu. Donc t'as un camion avec, je sais pas, 80 personnes dessus qui hurlent. Ça chante la Marseillaise, ça célèbre Benjamin Pavard. Ça chante génial. Allez les Bleus. Mais c'est un truc de ouf. T'as envie de faire la teuf. Puis c'est une communion de dingue. Ah ouais, c'est énorme. Les gens, ils sont tout amoureux. Ils se jettent dans les bras les uns des autres. Ça pleure. C'est ouf. Eh ben, dans quelques minutes, on va de nouveau vous prendre à l'antenne. Comme ça, vous nous faites vivre un petit peu ce qui se passe dans vos régions. Allez-y, 01 42 48 5000. Mais là, quand t'étais pas là, Babou, j'ai quand même lu le MP de Alicia qui voulait nous faire découvrir la K-pop. Donc, on en a découvert, on a écouté des groupes. Et on vous laisse l'occasion ce soir sur Fun Radio de nous faire découvrir la tendance de votre choix, celle qui vous tient à cœur. Alors, moi, ma tendance, c'est clairement être en finale d'une Coupe du Monde. Voilà, ça, c'est ma tendance. Bah, moi, je vous propose ça tous les jours. Il y a Tiger qui nous a appelé. Je ne pense pas que ce soit pour parler foot. Bonsoir Tiger. Bonsoir, bonsoir l'équipe de Fun Radio. Salut. Ça va, Bichon? Bienvenue sur la chaîne de The Life. Eh ben, bienvenue à toi sur la radio du coup. Tiger, t'as suivi le match des Bleus quand même? Un petit peu quand même, oui, mais j'étais sur mes compos, on va dire, entre les deux, donc sachant qu'il y a des bruits autour de chez moi, ça mouvait, ça, on va dire, il y avait des bruits un peu d'accord, partout. Mais alors raconte-nous, qu'est-ce que tu voulais nous faire découvrir, toi, ce soir? Voilà, alors moi, bon, j'explique un petit peu mon histoire. J'ai commencé en tant que DJ, je suis originaire du 94, Val-de-Marne, 9-4, et maintenant expatrié sur la Bretagne. Ça fait 10 ans que, en fait, j'ai commencé à faire de la compo en tant que beatmaker pour des groupes de rap, anciennement DJ, et voilà, j'ai commencé à faire de la musique en tant qu'autodidacte, dans tous les sens, aussi bien du piano que du club, des instruits hip-hop, un peu de tout, la musique un petit peu africaine dans tous les sens. Oh, et monsieur est mélomane. Mélomane, oui, c'est ça. Un petit peu quand même, oui. Ouais. Voilà, et donc voilà, du coup, j'ai mis quelques sons sur YouTube. Donc sur la chaîne de Life. D'accord. Il suffit juste de taper pour avoir la chaîne de Life, ol.caute. Alors attends, parce que Thibaut va le faire en direct, comme ça on va récupérer un peu de son, ce sera cool, on va découvrir ce que tu fais. Donc toi, en fait, si je comprends bien, la tendance que tu veux nous faire découvrir, c'est tout simplement la tienne, hein, ton son. C'est la mienne. D'accord. C'est auto-centré. Tu sais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah, c'est ça? Carrément. Attends, on écoute, Tiger. C'est bien ça, j'ai tapé The Life. C'est pas mal. Ouais, c'est bien même. C'est smooth. Ah, c'est semi-smooth, semi-tough quand même. Ah, c'est pas mal. Ah, j'adore. Franchement, c'est... Tu sais ce que c'est ailleurs, ça c'est apéro, ça. Ouais. Ah ouais. Hein. Et il faut avancer un petit peu dans le morceau, tu vas voir. J'ai de très bons chanteurs, enfin bonne chanteuse. Là, j'ai avancé un peu là. Ouais, voilà, c'est bon. Là, c'est Ophélie. Ah bah c'est ma Ophé, ça. Ah oui, c'est tout au fait. Eh ben, honnêtement, ça fait pas du tout amateur. Je trouve que c'est très pro, c'est très stylé. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est frais, ouais. Alors après, je sais pas, quel style musical pourrait définir ce son, oui, Thibaut? Alors moi, c'est pas pour répondre à ça, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Et je pense que pour passer l'étape du dessus, mais c'est un truc genre sur les grands DJ, c'est genre, ils appellent ça le mastering, tu vois. Où tu prends genre toutes tes pistes et vraiment tu les boostes encore plus, tu bosses encore plus sur le truc. Et je pense que c'est juste ça qui manque, mais franchement, le son est top. Tiger, bravo mon chat, très stylé ce que tu fais. Ah oui. Bah ouais, cherche un producteur. Ah, je te produis, mec. Bah vas-y. Moi je veux bien. Non, dis non. Non, mais on va lancer l'appel, pourquoi pas. Si vous êtes producteur que vous nous écoutez ce soir, Tiger est dispo, il fait du truc, du son très stylé. Parce que du truc, voilà, oui, c'est pas très en avant. 500 morceaux déposés à la SASTEM, il y a de quoi proposer derrière dans tous les styles. Ah bah attends, je remets un petit coup alors. Ah ouais, il y a Better Day. Yes. Je laisse une minute 30, comme ça t'auras des droits de SACM. Allez, si on peut te faire plaisir. Tiger. Et franchement, le message est passé. Bravo et continue là-dedans, t'es doué. Ouais, merci, pardon. Oui, merci à vous. Et Tiger, c'est ton vrai prénom ou t'as pris un pseudo? C'est un pseudo, en fait. Ah. Non, en vrai, il s'appelle Gérard. Non, mais c'est quoi ton vrai prénom? Lion. Non, The Lion, t'as vu. The Rhinoceros. The Hippopotame. Non, mais il va pas dire son vrai prénom, ça enlève tout le charme. C'était avec Olivier, Flo. Pardon. Avec Flo, on était parti pour faire tous les animaux, en fait. C'est Olivier, Antoine. D'accord, et bien on t'embrasse, The Pain. Allez, bisous, Olivier, à bientôt. Bisous, à bientôt. Bisous Tiger. Ciao mon pote. Non, franchement c'est très bon, hein. Ah, c'est pas mal. Est-ce que t'as une tendance toi à faire découvrir Marion? Non, alors nous c'est vrai que bah, dans l'émission on aime bien lancer des tendances niveau vocabulaire. On va pas se mentir, on a déjà fait les birds, les babous, les de dadder. Non. Mais si si, on a déjà fait. Il y a que les bœufs compris, le reste t'as pas pris. Hein. Oui. Mais voilà, bah quand même si. Ouais, mais il y a une nouvelle tendance qu'on aimerait bien que vous preniez. Oh en ce moment, c'est vrai que dès qu'on sait pas quoi dire ou dès qu'on a envie de remplacer un mot qui nous énerve, c'est le drush tutu. Voilà. Par exemple, parfois Thibaut Alaréa, bon bah qui manage un peu cette émission au niveau des sons tout ça, et vient nous voir, il nous dit bon Anso, toi tu lances Ariana Grande et toi Marion tu drush tutu. Donc là, ça veut dire je sais que je n'ai rien à faire. Voilà. C'est ça. Le drush tutu, c'est vraiment vous le placez où vous voulez quand vous savez pas quoi dire. C'est voilà. Juste parce que comme on est toutes les deux, il faut pas qu'il y en ait une qui a rien à faire, donc elle drush tutu. Voilà, le drush tutu, on le place à tout va et ça nous fait marrer, mais c'est vraiment une tendance complètement private joke, donc à part ça j'en ai pas d'autres. Mais vous pouvez vous l'accaparer. Ah bah hein. Oui hein, on vous l'offre, hein, y a pas de brevet de déposé, donc vous pouvez utiliser le drush tutu. Oui Thibaut. Juste par contre c'est hyper important, enfin on y tient tous à bien rouler le R. Oui. C'est pas drush tutu, c'est drush tutu. Voilà, ouais. Drush c'est important. Ouais, on drush et on tutu. Marion nous a appelé à Bordeaux. Bonsoir Marion. Bonsoir Marion, comment ça va? Ça va bien et vous? Est-ce qu'on est contente de cette qualification en finale des Bleus? On est contente de cette qualification. Je ne regarde pas. Quoi? Je m'en fous, moi, du foot. Ouais, mais là. Oh non, Marion, tu peux pas nous dire que tu t'en fous. C'est quand même un événement, c'est énorme. Ah non, moi, je préfère le rugby, moi. Ah, écoute, c'est un choix, mais tu vas supporter les Bleus dimanche quand même. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'était un oui enthousiaste. Bon, Marion, quelle tendance tu voulais nous faire découvrir? Parce que toi, t'as appelé pour ça. Ah, le Upside Down Bikini. Je vous ai envoyé des photos sur Facebook. Ouais. Ah, ah oui. Alors, c'est je quoi? Je trouve ça très moche. Ah. En fait, il faut. C'est. Au lieu d'attacher le maillot autour du cou, bah, oui. En fait, c'est attaché derrière le dos. Oui, ah, comme oui. Ça met en avant les seins. Ouais, ben c'est très moche parce que tu prends un coup de soleil, je te dis pas le truc que t'as un rond rouge sur la poitrine. C'est... Non, mais en plus, Manon, t'as tout à fait raison, c'est absolument horrible. J'ai reçu ton message sur la page Facebook et effectivement, ça met vraiment les seins, c'est hyper vulgose, quoi. Bah, disons que ça les met, ça fait un push-up, quoi. Ah non, c'est pire que le push-up, parce qu'en fait. C'est pire que ça parce que ça te fait les deux seins en avant qui sont comme dans un petit rond. Ah ouais. Donc, c'est vraiment ridicule. Tu chopes un coup de soleil, je te dis pas le bordel, quoi. T'as un rond rouge sur ta poitrine, c'est moche. Ah, c'est atroce. Et alors, redis-nous, c'est quoi le nom de cette tendance que je ne connaissais pas? Upside Down Bikini. Upside Down Bikini, d'accord. Eh bien, évitez de le faire alors, parce qu'a priori, c'est très disgracieux. Je vais aller voir ça. Après, les photos que Manon nous a envoyées, c'est vrai que les nanas sont quand même très gaulasses, donc bon... Oui, oui, bah j'imagine. Ouais, Il y a toujours que des gaulasses sur les photos. ils mettent pas des femmes aux normes. Ah oui. Bon, Manon, toi, tu seras en mode bikini classique pour cet été. Oui, tranquille. Tranquille, avec les bretelles, on change rien. Nicha Chrome. C'est ça. Eh ben, merci, ma belle, de nous avoir appelé. Puis, ben, du coup, on se tient au courant au prochain événement rugby. Ouais. Allez. Bah, passez à Bordeaux pour voir les matchs bientôt là pour la Coupe du Monde. Allez, c'est fait. On arrive tout de suite. Non, que finale avec la France. Bisous ma chérie, merci de nous avoir appelé. De rien, bisous. Ah ouais, bisous. Ah ouais. Et continuez, hein, si vous avez des tendances à nous faire découvrir, on peut le faire tous ensemble, 01 42 48 5000. Et surtout, si vous êtes en train de vivre eh bien une teuf de malade partout en France, si vous kiffez dans vos régions, on veut entendre l'ambiance, on veut entendre ce qui se passe chez vous suite à cette qualification des Bleus. Donc vous nous appelez, hashtag le Night Show, on partage tous ensemble ce soir, on fait la teuf. Exactement, il y a Valentin qui nous a appelé là, justement on va le récupérer dans un instant. Valentin, il habite où? Il habite du côté de Verdun. Ah. Valentin, tu es là mon chat? Oui, je suis là. Ah, Valentin, tu es heureux? Oui. Eh ben dis-le, bon sang. Ben si, je suis heureux. Alors, on va te prendre dans un instant, mon petit chat. Valentin, je viens de lui couper la chic. Parce que je suis une coupeuse de chic, comme ça. Hein, voilà, à foutre. Vous nous appelez en tout cas, vous avez 42 48 5000 parce que vous êtes heureux que les Bleus soient en finale. Parce que vous avez envie de faire de la radio avec nous. Peu importe, on se retrouve après Clean Bandit. La qualification en finale de Coupe du Monde tous ensemble. On est heureux, on est content, on est là. C'est la veille de notre fin de saison en plus. Franchement, on pouvait pas mieux espérer prendre l'antenne avec cette qualif. C'était le plus gros kiff qu'on espérait. Oh bah, je pense que les Bleus l'ont fait pour ça. Ah hein. Oui. C'est avant tout un cadeau à Mario et Ansel Night Show. Alors je le redis, mais encore un gros big up à cette équipe belge qui a assuré, qui a fait un énorme mondial. Franchement, c'est très triste pour eux parce que je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui nous écoutent aussi. On embrasse Jimmy Labeu qui a supporté cette équipe à bras le corps pendant toute la Coupe du Monde et qui est dégoûté sur Twitter. Ouais, il est dégoûté, mais il a posté une photo sur Instagram là où il dit quand même bravo aux Français. Il nous manquait un petit quelque chose, nous les Belges. Ils ont bien joué. Il écrit avec l'accent comme ça. Bah, les Belges, j'espère qu'ils ne sont pas démotivés jusqu'au bout. Ils ont tenté, ils ont donné. C'était vraiment un superbe match et on va aux quatre coins de la France là ce soir pour découvrir un petit peu l'ambiance des villes. Et ben justement, il y a Valentin qui nous a appelé à Verdun. On l'a eu il y a quelques instants. Bonsoir, Valou. Oh, Valou ! Oui, est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Alors, Valentin, comment ça se passe à Verdun ? Est-ce que tu as vu le match chez toi dans un bar ? C'était où, toi ? Non, bah en fait, je l'ai pas vu à Verdun. À la base, j'étais en Belgique, comme j'avais dit, j'avais dit voilà. En standard. Ok. Et l'ambiance, elle a vite descendu, quoi. Ah bah oui, ils étaient tristes, les Belges. Ouais, bah triste, un peu énervé, un peu rageux. Ouais. Ah oui, c'est normal. On est meilleur, on est mieux. Et pourquoi, ouais, bah ouais, c'est ça. Pourquoi t'étais là-bas, toi? Parce que j'habite à la frontière, presque. Ouais, du coup. Oui. Ah ouais, et alors, est-ce que t'es revenu en France, du coup, là, ou t'es toujours en Belgique? Non, je suis revenu en France, là. Ça klaxonnait de partout et tout ça, ouais, c'était cool. Et puis voilà, quoi. Bon, on voyait pas trop de Belges, j'avais pas trop de Belges et tout ça, du coup, j'étais plus chez eux, je crois. Ah c'est ouais. normal, je me mets à leur place. Moi je me serais terrée aussi, je sais même pas si j'aurais fait cette émission. Mais non mais tu sais ce qui est ouf, c'est que Valentin tout à l'heure je suis allée sur les Champs-Élysées et donc du coup tu croises forcément des gens qui ont envie de célébrer la victoire et c'est la fête et tout ça, genre on est tous ensemble, on est une patrie et tout. Et puis t'as des gens aussi qui ont juste envie de rentrer chez eux parce qu'ils rentrent du boulot, tu vois. Ouais, t'avais des gens qui étaient vénères. Ah bah oui, mais ils peuvent comprendre aussi et c'était prévisible. Ah bah ouais mais je comprends aussi, tu vois. Alors c'est vrai que si t'as envie de bien dormir ce soir, à moins d'habiter au fin fond de la campagne, ça va être un peu chaud dans les villes. Ouais, bah là, ça klaxonne encore dans les rues, tout Oui. Là, je sais pas si vous entendez de quoi là, ça klaxonne derrière. Mais... Et encore, là, on n'accède qu'à la finale, donc si on gagne, c'est 3 jours de non-sommeil. Ah oui, c'est sûr. Ouais, bah là, si on gagne la finale, ça va être carnage. Hein. Et alors, Valentin, ton pronostic, toi, la France va affronter qui ? L'Angleterre ou la Croatie, à ton avis ? Pour moi, c'est l'Angleterre. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Ah bah, pour moi, c'est la Croatie, pour France, c'est la Croatie aussi. L'Angleterre, mais. Ça va être serré, mais pas trop, ça va. Je pense que la France, elle va gagner. Allez. Non, mais de toute façon, moi, je vais acheter une poupée, tu sais, dans laquelle tu piques des trucs, là. Ah, une poupée vaudou ? Voilà. Eh bien, Valentin, merci, mon petit chat. Et puis, si tu recroises des Belges, tu les embrasses fort pour nous, quand même. Hein. Ouais, ça marche, j'ai taquine d'un. Bisous. Allez, bisous, Valou. Allez, bisous, ciao. Enfin, on va aller du côté de Caen, maintenant. Bah oui, y a pas de raison. Oui, c'est Clémentine qui nous a appelé et ça fait vraiment plaisir car on adore les Clémentines. Ah non, j'aime pas l'odeur des Clémentines. Bonsoir Clem. Allô ? Ouais Clem, oulala, toi t'es dans la rue. Hein. On m'entend ? Oui, vas-y mon chat, on t'écoute. Ah c'est énorme, t'es où Bichette ? D'accord. Mais dans la rue ? En Normandie. Oui, bah et oui. C'est le gros bordel. C'est génial. Ah, c'est génial. Tu vas faire la fête toute la nuit ? Ah oui. Ouais, on fait la radio. Ah, c'est très bon. C'est qui ton joueur préféré, Clémentine ? Moi, c'est Griezmann et Mbappé. Ah bah oui. Antoine et Kylian. Et ben bah, profite bien avec tes potes. Ah ouais. Ah ouais non mais là c'est franchement c'est le bordel total. Hein. Mais tu sais que les gens ils s'en foutent hein, je les ai vus hein, ils roulent en voiture oui. Les deux mains sur le volant sur le klaxon, ils s'en foutent. Camion avec plein de gens dedans. C'est magnifique. Et là il y a des gens donc ils se mettent un conducteur, un passager, ils passent un drapeau sur toutes les voitures, c'est hyper beau. Eh bah kiff ma belle, profite toute la nuit. Bisous Clémentine. C'est le bordel partout en France. Ah c'est génial. Vraiment c'est génial. Alors je sais qu'il y a aussi des gens qui nous écrivent sur Twitter qui nous disent moi je regarde pas le foot, je m'en fous et tout, mais c'est juste que c'est un événement qui dépasse le foot là. Oui. Ça rassemble. On en a peu des événements qui rassemblent tous les Français comme ça, qui se passent bien dans la joie et l'euphorie. Donc faut profiter, il faut être avec les Bleus, c'est tout. Non, puis c'est surtout hyper drôle parce que donc du coup sur les Champs-Élysées tout à l'heure t'as des gens, donc t'as un espèce d'énorme groupe de gens. Donc les gens crient ah on est en finale et tout, mais y a rien de très organisé du coup parce que tout est très improvisé. Donc y a pas un gars qui dit bon là à cette heure-ci on va chanter la Marseillaise et puis après on va faire qui ne saute pas n'est pas français. Donc du coup t'as des gens qui arrivent comme ça qui font hey ya petite Marseillaise. Et tout le monde se met à chanter la Marseillaise, c'est hyper drôle. Oui Flo. Alors la Belgique a perdu, on les embrasse, mais là où ils doivent être dégoûtés c'est qu'il y a une marque de télé qui a dit que s'ils achetaient leur télé, ils remboursaient tout le monde si la Belgique marquait 15 buts. Ils en ont mis 14. Ouais. Ah bah justement, ils sont contents du coup. Bah la marque de télé oui, mais pas les Belges qui ont acheté la télé. Et surtout qu'il y a des Belges qui ont acheté au moins 4-5 télés. Bah, hein. Ouais. Ah ouais, un but près. Pour se faire rembourser, c'est vrai qu'ils en ont pas mis un là dans cette demi-finale, c'est dommage. En revanche, le magasin, ils doivent se dire oh putain les gars, on l'a échappé belle là les gars. Thibaut. Mais justement, j'avais vu des interviews des Belges qui disaient qu'ils faisaient exprès vraiment de se buter, même quand ils gagnaient, de mettre encore plus de buts pour que les téléspectateurs arrivent à avoir leur télé gratos pour leurs potes et tout, ouais, pour ouais. qu'ils regardaient. Ah mais ils sont cool ces Belges. Franchement, je suis très déçue pour eux quand même. Ouais. Et on les embrasse très fort. Moi, j'ai une copine belge qui habite en France qui était tiraillée ce soir, elle savait pas qui supporter la pauvre. Elle s'appelle France en plus, ironie du sort. Et c'est vrai qu'elle est quand même triste, elle avait les larmes aux yeux parce que je sais pas, c'est ton pays quoi, et tu te sens pas bien même si t'habites en France. Donc ouais, mais bon, l'avantage c'est qu'elle était dans le pays qui a gagné, donc elle va vite oublier quoi. Oui, oui, puis il faut pas oublier qu'ils ont fait un magnifique parcours quand même. Attends. Et oui, Babou. Le diable rouge. On va continuer à vous faire vivre eh bien cette fête nationale là dans quelques minutes sur Fun Radio, et on va aussi revenir sur le cas Claire. Claire qui nous a appelé et Claire qui a fait un énorme mytho. Ah. Un mytho pour pécho. Je sais pas si t'as déjà mythonné pour pécho quelqu'un, Babou. Alors jamais. Hein. Jamais. Et ben, elle, tu vas voir, c'est un mytho d'anthologie. Ce sera juste après Nicky Jam et J Balvin. Desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí. Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Estamos claros. Estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ve. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, ba, ba, ba, baila. Placata, placata. Como ella lo mueve. Sin para, sin para. Las ganas de comerte. Ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que tus amigas no les debo gustar. Pero voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Il est 23h13, on est en direct, on kiffe depuis le début de la soirée, c'est juste énorme. La France s'est qualifiée pour la finale de cette Coupe du Monde. Soit face à la Croatie, soit face à l'Angleterre. Et vous êtes très très nombreux à nous appeler pour nous faire vivre l'ambiance de vos régions là. Et ce qui est énorme, c'est que tout à l'heure, j'ai essayé de faire des stories avec des gens en disant « Attendez, je comprends pas, on est là pourquoi là ? On est en quoi ?» Et en fait, j'arrive vers des gens comme ça, hyper fiers de ma vanne. C'est genre fier comme un coq, je bombe le torse et tout. Sauf que je tombe sur une horde d'Américains qui comprennent rien à ce que je dis. Ils étaient juste au milieu des champs, ils disaient à faire la teuf, ils savent même pas pourquoi ils teufent. Ils sont trop contents. Bah quand même, si. Oui, enfin, c'est une façon de parler, Flo. Alors, Babou, quand t'étais pas là tout à l'heure, c'est vrai qu'on a essayé de faire un petit peu le tour de plein de gens qu'on connaît, tout ça. Et j'ai essayé d'appeler Sébastien Joseph, hein, directeur des programmes de Fun Radio. Il répondait pas. Et la bonne nouvelle, il est enfin disponible. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas s'il y a de l'ambiance, mais on va découvrir ça. Oh, ça, moi je pense qu'il y a toujours de l'ambiance. Oui. C'est là où Sébastien va. Bonsoir Seb. On est en finale. On est en finale. Mais pourquoi tu prends cette voix-là pour chanter en finale? Parce qu'il est bourré. Parce que je suis obligé, tu sais, quand tu hurles avec tout le monde autour de toi, faut réussir à te faire entendre, alors tu parles un peu comme ça. Ouais, on parle comme ça. Ouais, attends, ouais. Mais tu es où là? On parle comme ça parce qu'on a chanté la Marseillaise 25 fois. On est en finale. Attends Seb, décris-nous, est-ce que t'es dans un bar, t'es où? Alors là, je suis au resto parce que si tu veux, à un moment donné, l'alcool est dangereux pour la santé. Oui. Mais à un moment donné, il faut aussi manger un peu pour prendre des forces. D'accord. Je suis à Paris, dans le quartier de Montorgueil, comme on dit. Et mais tu veux pas imaginer le nombre de pétards, de drapeaux tricolores et de gens complètement hystéro qui rentrent dans le resto tous les quarts d'heure pour dire on est en finale. Mais oui, mais c'est ça, c'est l'amour, c'est de l'amour. Oui, c'est fort, 20 ans après, bam. C'est très très bon, on compte sur toi pour nous faire vivre tout ça sur tes réseaux sociaux aussi, Seb, parce qu'on te suit là. Hein. Ouais, bah c'est intéressant. Attends, grande grande nouvelle, j'ai passé 4000 sur Instagram ce soir. Attends, mais c'est ça, Seb, l'histoire. Pourquoi on fait une émission spéciale sur les bluffs? Fallait faire une émission spéciale sur ça. Exactement. Bon, et continue à kiffer, nous on fait la fête là sur Fun jusqu'à minuit. Si t'as envie de passer, tu passes. Bisous. Attends. La petite augmente pour la finale, Seb. On va voir ça après. On est en direct avec vous jusqu'à, bah jusqu'à minuit là sur Fun Radio. Salut, c'est Elliot. Tout l'été, vous allez pouvoir m'envoyer des messages sur WhatsApp. Une histoire, une loose à raconter, une photo à partager, vous pouvez vraiment tout m'envoyer. Un seul numéro, 06 44 66 44 07. 06 44 66 44 07. Salut Adrien, dis-moi, t'es chaud pour tes mix et tes sets de l'été? Mais carrément, Miko, j'ai les platines, la playlist, y'a plus qu'à. Y'a plus qu'à choisir ton Sam. Sam? Oui, Sam! Celui que tu désignes avant de sortir, celui qui conduit et qui ne boit pas. Bien sûr, Sam, le super pote qui a le super pouvoir de te ramener en toute sécurité. Voilà, le super pote, comme moi, quoi. Cool! Sam, ce soir, c'est toi. Exactement. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Les meilleurs DJ de la planète vous donne rendez-vous à l'Electro Beach Music Festival avec Fun Radio. Electro Beach. Réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur electrobeach.com et funradio.fr. L'Electro Beach 2018, du 12 au 14 juillet à Port Barcarès, c'est avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Une équipe de ouf. La meilleure des radios. C'est le Night Show avec Marion et Anso de 22h à minuit sur Fun Radio. On est en direct, on célèbre cette victoire de l'équipe de France là sur Fun Radio en direct avec vous et on parle aussi eh bien, de vos soucis comme celui de Claire. Claire, elle a 24 ans, elle nous a écrit parce qu'elle a fait un gros mytho qui est quand même un petit peu rigolo. Ah! Je vous le lis et après on partage tous ensemble les mythos qu'on a pu faire pour Pécho. Ok. Elle nous dit « J'ai fait croire que j'étais juive, car une daronne voulait me caser avec son fils que j'aimais bien. Et une fois chez eux, pour dîner, ils m'ont demandé quel était mon plat préféré. Et j'ai dit « Pâte carbonara ». Ah bah oui, ça marche pas du coup. Ah bah oui, ça marche pas du tout. Il y a du cochon. Bah non, parce qu'il y a du porc dedans et que c'est vrai que bon bah si tu es juif pratiquant, logiquement, t'es pas censé manger du porc. Donc elle s'est fait griller comme ça. Mais c'est complètement con de mentir sur la religion pour pécho quelqu'un. Tu te fais avoir à un moment donné, hein. Ouais, ouais. Et puis c'est touchy en plus, c'est trop important, c'est trop compliqué, c'est trop complexe les religions. Tu peux pas tout connaître, il faut être un super bon menteur, Flo. Bah, c'est l'histoire de la vérité. Si je mens quand il fait croire qu'il est juif et qu'il se retrouve autour de la table à pas savoir les pratiques et tout. Ouais, c'est ça. Oui. Non, bah alors Claire, ce qu'il faut faire dans ces cas, c'est soit faire genre c'était une vanne. Enfin, tu vois, j'imagine qu'ils ont dû être choqués quand t'as dit pas de carbo. Ouais, mais en même temps, Babou, je crois que tu peux pas dire ah ouais, c'était une vanne. Enfin, je crois que ça fera marrer personne. Ah oui, mais bon, donc dans ce cas-là, tu dis la vérité. Quoi. Attends, j'avais la réponse. Je savais ce qu'il fallait dire. Il fallait dire, bah en fait, si, je mangeais pas de carbo, mais c'est en fait, c'est des lardons de dinde, hein, tout simplement. Et, ouais, bam, et là, c'était fait, quoi. Non, mais en vrai, en réalité, je pense que le seul moyen de te sortir de ça, c'est de dire la vérité, de dire, bon, bah voilà, en fait, il me plaisait, et du coup, j'ai fait croire ça parce que j'ai cru que sans ça, rien n'aurait pu être possible, parce que au moins, t'essayes de toucher un peu les personnes. Ouais. Enfin, t'essayes, il te reste plus que ça, de toute façon. Ou alors, tu cries et tu sautes par la fenêtre. C'est pas moi! Bon, après, Claire, on te jette pas la pierre parce que t'es pas la seule à avoir inventé un mytho pour pouvoir plaire à quelqu'un. Il y en a beaucoup. Hein. T'as déjà menti, toi, Marion? Oui, alors moi, c'est horrible ce que j'ai fait. Hein. Oh là. Et je le conseille pas. Hein. Mais moi, pour séduire quelqu'un, j'ai dit que j'étais célibataire alors que non. T'as trompé ton mec, en fait. Ah non, parce que je suis pas allée jusqu'au bout. Mais c'est vrai que dans l'ambiance de la soirée, c'était un serveur qui me plaisait beaucoup et qui m'a dragué. Et il m'a dit, bon, bah, t'es célibataire. J'ai sorti instinctivement oui. Alors que pas du tout, tu vois. Ce qui était un gros mensonge. Ah, c'est chaud. Et après, bon, bah, ma culpabilité m'a rattrapé et j'ai mis stop, enfin, j'ai mis fin au truc, mais quand même. Ah ouais, t'es très amnésique des choses importantes dans ta vie quand même. Ah, t'as jamais mytho toi? Jamais. Jamais? Bah non, j'ai jamais mytho moi. Même pas, je sais pas, gonfler un truc. Bah non. Non mais c'est son problème, Anne-Soi, c'est pas mytho. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parfois, il y a des trucs, genre, tu vois, il faut pas dire, genre, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a fait une connerie, machin et tout, on couvre. Mais non, mais c'est lui qui a fait la connerie. Ouais. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que je trouve que surtout pour choper quelqu'un, si tu pars sur des bases de mensonges, bah, ça a pas de sens, quoi. Ouais. Oui, mais parfois, tu t'emballes, t'as envie. Enfin, je sais pas, ça, c'est plus fort que toi. Tu réfléchis après et sur le coup, tu mens. Si, ou alors à la limite, moi, je peux mentir, mais pour me rabaisser, quoi, par exemple. Tu vois, le mec va dire, ah, mais moi, je suis trop dark. Je vais dire, ah non, c'est moi la dark. Ouais, histoire que le mec se sente valorisé et que tu comprends. Tu te fous de sa gueule en fait. Ouais, non, un peu peut-être. Non, en fait, elle s'invente un peu une tare pour remettre l'autre en valeur. Exactement. Du coup, c'est nul parce que je suis pas vraiment dark au fond, donc il voit très vite que c'est faux quoi. Ouais, c'est un peu nul. T'es un peu dark. Ouais, je suis un peu dark. C'est dark coup. Il y a Tina qui nous a appelé. Tina, elle est à Lyon. Bonsoir, Tinounette. Salut les filles, est-ce qu'on est content d'être en finale? On est content d'être en finale! On est en finale! On est en finale! On est en finale! Alors, Tina, ma belle, oui, c'est vrai, c'est l'euphorie, on est très contents. Mais toi, tu nous appelles parce que t'as menti pour pécho. Oui, tout à fait. J'avais rencontré un garçon à un camping. Et je lui ai fait croire que mon père était super riche. Ouais. Et super connu. Donc, ce n'était pas vrai. Ah oui, d'accord, carrément. Mais tu t'as dit que c'était qui? Alors, juste un mec connu ou t'as cité un nom carrément? Non, je lui ai dit, oui, il est connu, mais bon, on le connaît pas trop en France. Attends, mais c'est un argument pour pécho, ça, parce que moi, quelqu'un me dit mon père est connu, je m'en fous, quoi. Si, éventuellement, tu lui donnes la meilleure du père connu, la médaille du père connu, mais on s'en fout, en fait. Bah oui. Ah, mais toi, tu dis, moi, je suis un peu connu. Ouais. Si, en fait, là-dedans, ça peut rapporter un truc en se disant, ah bah si son père est connu, ça veut dire peut-être qu'elle a du fric et tout ça, tu vois. Oui, parce qu'elle a dit. Elle a dit qu'il était riche. Oui, au lit du standard. Si le mec, c'est une michto, ça part. Oui, c'est vrai. Faut que le mec. Est-ce que ça a marché? Non, pas du tout. Ah, il s'en foutait. Oui, c'est ça. Ouais. Après, je trouve que moi, c'est. Enfin, moi, honnêtement, on me dirait ça, c'est vrai que je m'en foutrais aussi. Hein, bah, déjà. Et en fait, même pire, moi, je me dirais, putain, la personne se la pète de ouf. Et du coup, je crois que ça me déchaufferait. Ouais. Tu vois? Ouais. Ça fait un peu genre, bah super, bah, moi non, mais on s'en fout, en fait. Ouais. Exactement. Ouais. Mauvais mytho, Tina, mais bien tenté quand même. Ça n'a pas marché, du coup, ouais. En plus. Non. Voilà. C'est pas grave. C'était bon. Pendant les vacances, de toute façon, je l'ai plus jamais revu, donc bon. La prochaine fois, soit tu vas naturel, tu dis, tu vas comme tu... Bah, comme au McDo, tu vas comme tu es. Soit tu dis que ton père, c'est Mbappé, et là, ça peut marcher. Ah ouais. Enfin, ça si ton père, il a 19 ans. Ouais, si ton père a 19 ans, c'est chelou. Ouais. Un peu chelou. Bah, mon cousin, quoi. Mon cousin, c'est Mbappé, c'est très bien. Hein. Ouais, là, ça va. Oui. Voilà. On t'embrasse, Matina. Merci à vous, les filles. Bonne soirée. Bisous, Tinou. Au revoir. Bisous. Thibaut, l'arrêt, toi, t'as déjà menti pour pécho. Ah ouais, franchement, j'ai fait pas mal de trucs pas bien. Et celui qui me vient en tête, c'était il y a genre 5-6 ans. Et je suivais Adrien, genre on était dans une boîte. Adrien Thomas, qui est DJ Partiven, qui mixait. Et en fait, moi, je suis juste monté dans la cabine DJ pour lui amener un verre. Donc de là, tout va bien. Donc Adrien mixe. C'était le feu, machin et tout. Et là, je descends de la cabine DJ. Et il y a une meuf qui, qu'on se croise, elle me dit, putain, mais tu sors de la cabine, t'es DJ? Et je suis, ouais, bah, je viens de filer les platines à Adrien. Et elle me dit, ah, mais trop cool, alors raconte-moi, machin. Et on boit un verre et tout, ça marche hyper bien. Et puis, bah, au final, on a dansé la soirée, machin et tout. Il s'est rien passé parce que, bah, j'ai pas pu argumenter plus que ça. Puis elle a très vite cramé que je savais pas mixer. Ouais. Et puis surtout, quand Adrien est sorti de la cabine et qu'il a dit, bon, ouais, je paye un verre à tout le monde, c'était cool la soirée, machin. Titi, je sais plus ce qu'il me dit, mais en gros, il dit, bon, bah, tu vas aller dire aux autres d'aller chercher le van, machin et tout pour qu'on rentre. Là, elle a très bien compris que je venais plus pour l'aider et que t'étais pas DJ. J'étais hyper déçu. C'est vrai que le coup du DJ, c'est bien tenté parce que ça plaît aux filles en général. Ouais, mais en plus, j'étais vraiment à ça. S'il avait pas gaffé, ça l'aurait fait quoi. Ah, mais ouais. Du coup, tu vois le mytho comme ça, mentir en disant, ouais, je suis DJ et tout. Je suis à la place de la meuf, je me dis, mais t'as quoi comme intérêt de mon mytho en fait? Ah ouais. Moi, ça me déchauffe plus qu'autre chose. Oui, j'ai juste envie de dire, mec, enfin, mec, tu m'as pris pourquoi? Ouais, mais en fait, le truc s'est passé tellement vite que tu vois, j'avais. En fait, au début, je me suis dit, oui, bah, je vais dire ça, puis on passe à autre chose, tu vois. Ouais. Et en fait, comme elle parlait que de ça, après, j'étais bloqué dans mon mensonge, je pouvais plus mentir. Oui, enfin, t'as qu'à dire ni plus ni moins que c'est de sa faute aussi. Mais, bah, exactement, tu sais quoi, c'est de sa faute. Olivier du standard. Moi, une fois, j'ai mis mytho. Tu sais, j'ai mis une perruque, comme d'habitude, et j'ai fait croire aux gens que j'avais des cheveux. Ah oui. Ah mais c'est vrai que alors Oli elle a les cheveux, non mais souvent elle l'a fait ça parce que là elle a les cheveux très courts et bon après pour pécho moi je pense que ça plaît très bien les cheveux courts si ça te va bien. Ah mais ça lui va hyper bien en plus. Ouais mais imagine tu sors avec une fille qui a des cheveux, tu commences à lui caresser les cheveux et d'un coup paf la perruque tombe. Ah oui, ça peut être surprenant. Tu mens. Ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention quand même. Il faut le dire tout de suite. J'alterne. Je mets des perruques, parfois j'ai les cheveux courts. Ouais, c'est ça. Mais ça veut surtout dire que Olivia, depuis le début qu'on la connaît, elle nous dit ouais, moi je fais pas trop avec les mecs, machin et tout. Elle est assez genre tranquille, tu vois. Et là, du coup, elle vient de nous dire qu'elle mitonnait avec des mecs, donc elle a chauffé des mecs. Elle est tranquille, mais elle a le droit quand même d'avoir des petites histoires. Ouais, ça roule des galoches. Faut la laisser faire son petit bonhomme de chemin. Il y a Nathalie qui nous a appelé à Lille. Bonsoir Natou. Oh Natou. Coucou. Coucou. Ça va Natou? Ça va et vous? Bien. Ouais, t'as regardé le match un peu toi ou pas? Ah bah oui, bravo la France. Non, c'est génial. Ah, ça c'est cool. T'es une supportrice heureuse, mais t'es une supportrice mytho. Exactement. Alors, à l'inverse moi, de ce qui a été raconté tout à l'heure, c'est moi qui ai fait croire que j'étais DJette. Mais non. Mais si. Ah, c'est énorme. Ça marche aussi avec les filles, mais ça marche avec les mecs aussi. Mais Nathalie, on se fait un quatre mains. Mais c'était dans quel cadre? T'étais dans quel teuf et tout ça, Nat? Dans une soirée normale, hein, dans une discothèque quelconque, et voilà quoi. Je connaissais en fait le DJ qui était. Oui. Et puis voilà, après il m'a présenté en fait comme quoi j'étais la DJette, et puis voilà. Donc du coup ça a marché. Mais du coup t'as pécho? Ah ben bien sûr. Allez, et voilà, on prend encore une voix grave. Ouais, mais Nathalie, on est d'accord que ça marche pour pécho une soirée, mais après sur la longueur tu tiens pas du coup. Ah oui. Ah mais non, non, non. Quand je lui ai dit que j'étais serveuse dans un café, voilà quoi, fini. Mais c'est quoi ça, ce mec là qui sort avec toi juste parce que t'es DJ? Non, c'est pas ça. C'est peut-être que le mec il s'est dit, bah elle m'a menti aussi. Oui. C'est possible aussi. C'est pas, peut-être pas parce que t'es serveuse, mais c'est peut-être parce que de se dire, bah écoute, elle est chelou, elle me ment, je m'en fous. Après, c'est l'un ou l'autre, quoi. D'un côté. Ouais, non, je pense plutôt que c'était par le fait d'être DJette et d'être serveuse. Ouais, ouais, peut-être. D'un côté, ça fait mieux d'être DJette, quoi. Bon, alors c'est effectivement un connard. Mais Nathalie, t'avais pas besoin de ça. Je suis sûre que tu l'aurais pécho sans ça, easy. Peut-être. Ah oui. Ou alors, peut-être pas. C'est ça. Bon, en tout cas, ça a fonctionné pour toi. Voilà, ça t'a pas brisé le cœur quand ça s'est arrêté. Mais non. Et ben, c'est le principal, Nathalie. Ouais. Et n'oublions pas que le principal, c'est également de... participer. Eh oui, alors, eh oui. Comme la Belgique. On te fait de gros bisous, à bientôt, Nat. Un gros bisous à tous, salut. Bisous, salut. Ciao, ciao, ma belle. Bisous. Flo, tu t'es pas exprimé. Est-ce que toi, dans ton passé de séducteur, tu as déjà menti pour pécho quelqu'un? Oui, je me suis fait passer pour Donald Trump. Non, arrête. Et ça a marché. Non, Marc, t'es roux. Ah bah franchement, si ça fonctionne, mec. Ça marche hyper bien. Il est roux. Et bon, il est bien portant et puis il est con. Ah mais personne n'a envie de pécho Donald Trump. Non, personne. Si. Ah non, personne. Si. Non, personne. Non. En France, là, absolument personne. Moi, j'aime bien. Et ben continue. Si vous avez des histoires dans ce genre, vous nous appelez au 01 42 48 5000. On partage absolument tous ensemble nos mythos pour pécho. On partage aussi l'ambiance dans nos régions suite à cette qualification des Bleus. Et alors, dans un instant, je vous le dis, on aura Harold. Et c'est un supporter belge. Il a 13 ans, il est triste, mais il veut passer sur l'antenne. Ah, c'est très très mignon. Ça, c'est cool qu'il appelle en vrai. Je trouve ça fair play, c'est sympa. Oui, et on va jouer Pourquoi tu m'appelles aussi. Allez, 01 42 48 5000 pour nous appeler, parce que c'est toujours sympa finalement d'appeler les gens. Et on écoute tout nouveau avec Céline Grosso sur Fun Radio. In a sea of people, see her smiling. Something about her body caught my eyes. Yeah. I can't seem to look away. No. She's floating, bumping into strangers like they're nothing. Acting like she knows she's hiding something. Yeah, I can't take my eyes away. No, it's like I've seen her face before. I know, but I don't know for sure. My friends ain't with me anymore. Oh, I've gotta know. She dancing alone. Did she come on the wrong? Seems so lost. So why does she keep on dancing? Dancing alone. Why she dancing alone? Why she dancing alone? Did she come on the wrong? Seems so lost. So why does she keep on dancing? Dancing alone. We'll be right back. silence. Yeah, I can't let her get away. No, someone's behind me. We go back to back and we collide. Suddenly I turned around and right there. Yeah, she's staring back at me. It's like I've seen her face before. I know, but I don't know for sure. My friends ain't with me anymore. Oh, I've gotta know why she dancing alone. Why she dancing alone? Did she come on her own? Seems so lost. So why does she keep on dancing? Dancing alone. Why she dancing alone? Why she dancing alone? Did she come on her own? Seems so lost. So why does she keep on dancing? Dancing alone. Je vous le dis, cette soirée, c'est n'importe quoi. Hein. Les Bleus se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde. On a envoyé Anso sur les Champs-Élysées. Eh oui. Ça fait une heure et demie qu'on vous prend partout en France pour nous faire vivre un peu l'ambiance chez vous. Et là, qui débarque en studio pour la surprise ? Le poteau Bousti. Bonjour. C'est énorme. Merci d'être venu, mon chat. Bah écoute, avec plaisir, j'ai regardé le match juste à côté. Je suis passé devant. Ouais. Mais j'ai dévidé un bonsoir. Ah bah t'as bien fait. Mais c'est trop plaisir. Il est poli. Hein. Bah oui. Il fait partie de la catégorie des bons gamins. Et alors, comment on l'a vécu ce match ? Est-ce qu'on était content ? Est-ce qu'on était stressé ? Est-ce qu'on a une analyse ? Franchement, ouais. J'ai toujours les mains moites depuis le match encore. Ah bah oui, non, ouais. Mais c'était énorme. C'est fou. T'as crié. Anso peut en témoigner ? Ah oui, va te. N'hésite pas, t'es pourvu. Et t'as quand même réussi à venir nous voir malgré le bordel dans la rue, les voitures et tout. C'était une catastrophe. Ah bah oui, on est catastrophe. D'accord. J'adore ce qu'il y avait une voiture qui était juste devant nous. Ouais. Et il y avait un mec qui conduisait, il avait le drapeau dehors à la fenêtre. Ah, c'est comme énorme. Ça. Et t'as un mec qui passe devant, puis fait oh, un drapeau. Il le chope. Ouais. Et puis il passe comme ça, et puis le mec ça vole le drapeau, donc le gars sort pour dire t'es gentil, c'est mon drapeau. Sauf qu'il avait pas mis le frein à main. Ah merde. Non. Donc la voiture rentre dans celle de devant. Je te jure. C'est chiant. C'est la cour. C'est un accident là carrément. Ah non, oui, c'est, ouais. C'est un petit accrochage. Mais bon. Oui, mais on est en finale. On est en finale. Je te jure que le mec allait le voir, il fait bon, ça va tranquille et tout, on est en finale. Et on oui, était juste sûr. À côté, c'était énorme. Une scène. Bon. Je viens de tuer ta femme et on est en finale. Bousti, c'est vrai qu'on est très heureux ce soir, mais on a quand même beaucoup de Belges qui nous écoutent et on pense à eux. Et je te propose d'aller du côté eh bien, de la Belgique, puisque Harold a appelé et on va le consoler tous ensemble. Il a 13 ans, c'est un supporter belge. Harold, bonsoir mon lapin. Bonsoir, est-ce que vous êtes content d'être en finale ? On est content d'être en finale ! Bon, Harold, tu es belge ? Oui. Pardon, Harold. Désolé, on s'excuse, on est heureux, mais c'est vrai que c'est difficile pour c'est vous. C'est pas grave. Dites-vous, vous avez frissé à l'amiance. Ouais, la Jupiler. Ouais, hein. Ouais, c'est vrai. Oui. Ouais, et vous avez les frites. C'est, hein. C'est mieux. Voilà. Bah oui. Et oui. Vous avez le mannequin piece. Eh oui. Et alors, la BD. Oui. Vous n'avez pas la finale. Non. Vous n'avez pas la finale. Et en plus, de base, c'est vrai que vous n'avez pas la première étoile sur votre maillot. Quoi. Arrêtez. Oh, bah, oui. Non, mais bon, Harold, par contre, tout à l'heure, vous aviez dit que la marque de télé belge qui offrait. Qui remboursait les télés. Oui. Il y a la petite finale, hein. on peut encore ah remarquer. Oui. Ah oui. Ah oui, tu vrai. As tout à fait raison. Évidemment. Harold. Il perd pas le Nord. Rien n'est perdu, effectivement. Cette marque peut encore rembourser toutes les télés si la Belgique marque un but. C'est vrai. Ça veut dire que cette marque sert encore bien fort les fesses. Ok. Et Harold, alors du coup, est-ce que t'as pleuré quand même, t'as versé ta larme ou t'étais content pour la France? Bah, j'étais un peu déçue, mais j'ai pas pleuré. Non mais puis et Harold, tu sais, nous avant de, enfin je dis nous, jusqu'à preuve du contraire, j'étais pas sur le terrain de tout à l'heure, mais en tout cas les joueurs français avant de gagner une Coupe du Monde et avant d'accéder à la finale et tout, il y en a eu des défaites. Ah bah oui. Et en demi-finale et en finale, oui. Et tout ça. Donc il y en aura d'autres Coupe du Monde. Bon, oui, c'est dans 4 ans. Oui, ça fait chier. Mais bon, en 2022, il y aura l'Euro aussi dans 2 ans. Oui, tu vois. Et puis je suis fière quand même, on a éliminé le Brésil. Ah. Allez, ça c'est bien parce qu'Harold, t'es un gamin positif. Mais pas la France. Mais chiant. Ah oui. Ouais. Et Harold, en tout cas, t'es hyper fair play, ça fait plaisir, mon petit chat. Merci beaucoup. En plus, t'habites à Rouen, donc quand même, tu te dis, voilà, t'es dans le pays qui est en finale, c'est un peu cool, c'est ton lot de consolation, quoi. Ouais. Et tu sais que, tu sais ce qu'il fait. Tout à l'heure, j'entendais des klaxons, des partout. Mais c'est ça qu'il faut faire, Harold. Il faut klaxonner, nut, et tu vas voir, ça ira mieux. Ouais. On te fait de gros bisous, mon petit chat, et puis courage, et on embrasse tous les supporters belges. Salut. Bisous, et à bientôt. Allez la Belgique. Allez la Belgique. Ouais. Et bravo pour ce parcours. Alors juste Boosty, on aimerait avoir ton petit pronostic. Tu penses qui toi en finale, l'Angleterre ou la Croatie face à la France? J'ai du mal avec l'Angleterre. Ah, tu préférais la Croatie? Ils ont... J'ai regardé le match Angleterre-Colombie et ouais. L'arbitrage était très compliqué. Et donc j'avais plus, mon cœur battait pour la Colombie et moins pour l'Angleterre, et quand ils ont gagné, du coup j'ai du mal avec l'Angleterre. Mais je pense que l'Angleterre va gagner. Tu dis ça parce que, ah si, en plus tu parles très bien anglais. Ah oui, il est bilingue. Non, mais ouais, j'ai du mal. Allez, la France. Eh oui. Allez, la France. Bon, en tout cas, mon chat, si jamais il y a une saison 4 de Marion Enzo, on compte sur toi, tu reviens nous voir l'année prochaine. Mais autant de fois que je pourrais venir, je viendrai. Oh, brr. Eh bien, écoute, on te libère. Va faire la fête dans les rues de Paris et puis tu seras le bienvenu. Inch'Allah, s'il y a une saison 4. Merci, les filles, courage à vous. En revanche, la prochaine fois, tu passes un coucou, tu viens dire bonjour, mais t'amènes l'apéro quand même. Mais tu sais que j'y ai pensé en plus, mais là, c'est compliqué d'acheter des trucs en ville. Ouais, bah non, bah mal poli. Allez, mon chat. Bisous et nous, on joue ensemble. Pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce que c'est? Bah écoutez, je raccroche. Y'a cette ambiance là? T'as du ça? C'est bien une chose que je sais faire. Mais quoi cette connerie? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Mais on sait bien que vous aimez ça, la nouvelle technologie. Ah, pour la technologie là, c'est bon. On vous offre pour cette raison votre iPad mini, car vous êtes vraiment une bande de gentils chats dans le Pourquoi tu m'appelles. Principe simple, vous choisissez Marion ou Anso, vous essayez de rester le plus longtemps possible en appelant un inconnu en disant Pourquoi tu m'appelles, et puis si vous êtes le meilleur, vous gagnez. Ah, c'est simple. Oui. C'est Damien qui joue à Tarascan. Bonsoir Damien. Bonsoir. Comment ça va, Daminou? Ben ça va, tranquille, et vous? Oui, oulala, j'ai l'impression que t'es sur la route. Non, je suis dehors, je suis arrêté, mais il y a du passage à côté, donc ça fait du bruit. Damien, il faut pas se balader sur une autoroute. Hein. Je travaille sur les autoroutes, enfin, je suis conducteur routier, donc je me suis arrêté. Ah. Mais tu nous dis pas aussi les tenants et les aboutissants, alors forcément. Oui. Non, mais ça va le faire. Michon, parle bien dans ton téléphone, pas d'oreillette, ouais, et on va s'en sortir. Je parle au mieux, au plus près, j'essaie de m'éloigner du bruit au maximum, mais bon. Eh ben, t'es un gentil chat, tu veux jouer face à qui ce soir? Marion. Allez. Alors, je vais donner une difficulté à Marion, Damien, pour que bah, tu puisses gagner toi plus facilement, c'est ça le but. D'accord. Ah, oui. Et alors, il faut savoir que dans l'équipe, Flo nous a rejoint pour cette partie un petit peu estivale. Et Flo a une particularité, c'est que c'est un métalleux, il aime la musique qui bastonne sa race. Un petit peu. Et c'est vrai qu'il fait des... Gojira. Comment ça s'appelle? Ça, c'est Gojira. D'accord. Et est-ce que c'est un nom, le... Oui, ça s'appelle Grolet. Mais attends, tout le monde fait ça en festival? Oui. Oh là. Et bien justement, tu vas grôler à chaque fin de phrase de Marion. D'accord. Ah, d'accord. Ah oui, donc tu m'envoies carrément un handicap humain, quoi. Oh oui. C'est très gentil de. Peut-être, oui, une sorte de difficulté, quoi. Oui, voilà. Allez, on appelle, c'est parti. Damien, tu te lanceras après, mon chat, d'accord? D'accord, y a pas de problème, j'écoute. Allez, Flo, tu grôles, hein? Okay. Allez, grôle. Mais comment il fait pour écouter ça? Allô? Oui. Oui, bonsoir, pourquoi tu m'appelles? Non. Oula. Monsieur? Oui. Ah, parce que mon téléphone vient juste de sonner. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Vous habitez où, monsieur? Monsieur? Oui, bon, au revoir. Ben non, on se dit pas au revoir comme ça, j'ai pas eu de réponse. Ah non, faut en faire un, on a duré quoi là? Combien de temps, Thibault Larrière? 22 secondes. C'est nul! C'est vraiment de la musique de soif, hein? Ah oui. C'est pas possible d'écouter mais ça. Mais celle-là, elle est légère. 22 secondes, on en refait un quand même pour le sport. N'hésite pas à grôler de manière longue, de manière courte. Surprends-nous comme ça un petit peu. Attention, si vous aimez cette musique, je vous respecte. Hein. Ah oui, bien sûr. Attends, et tous les goûts sont dans la nature. Oui, allô. Oui. Bonjour. Pourquoi, pourquoi vous m'appelez? C'est pas moi qui vous appelle. Oh non, c'est pas possible. Encore un bug. Votre téléphone vient juste de sonner là. Ouais, c'est ça. J'entends quelqu'un qui crie. Moi aussi, c'est pas chez vous que ça se passe, du coup, cette histoire là. Ouais, c'est ça. Alors, je comprends pas, monsieur. Vous me faites une blague? Non, mais pour de bon, ça vient de sonner avec un numéro masqué, je viens de décrocher, je vous entends en fait. C'est pas vrai, mais exactement la même chose, et vous entendez cette espèce de grognement derrière? De cochon, je dirais pas ça non plus, mais enfin c'est vrai que c'est... Ouais, enfin bon, de cochon, il y a quelqu'un qui fait la truie, quoi. Ouais, quelqu'un qui fait la truie, ouais. Et du coup, attendez, parce que vous êtes chez quel opérateur, vous, monsieur? Moi, je suis chez Orange. Ça n'a pas l'air de plaire à la truie, ça. Ouais, chez Orange. Moi, je suis chez SFR. Voyez-vous. SFR. D'accord. Ouais. Et peut-être. Il y a bien quelqu'un qui se fout de notre gueule. Mais c'est quoi ce plan, en fait? C'est qui c'est la dingue. Personne qui parle, là? Je sais pas. Peut-être qu'on est court-circuité, monsieur. Monsieur. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui nous interfère sur notre C'est fou. C'est fou de se faire pranker comme ça. Hein. Moi, je ne comprends pas ces gens qui font des blagues. Ça m'énerve. Comment ils font pour appeler deux numéros de téléphone en même temps? Je ne sais pas, c'est la technologie, vous savez, on est en 2018 en même temps. Hein. Oh oui, oui. Bon, allez. Bon, eh ben monsieur, on s'embrasse. Ouais, on s'embrasse, au revoir. Allez, à bientôt. Hein. Au revoir. Bon, ben voilà, je me suis fait passer pour la victime. Il a fait un bisou en gros. Oui. Bon, voilà, ben c'était mieux, mais on va évidemment garder les 22 secondes. Hein. C'était combien de temps, la Titi? Une minute. Ouais. Damien, 22 secondes à battre, mon chat. C'est franchement, c'est faisable. On va essayer. Allez, courage, allez. Petit chat. Bonne chance à toi et on t'encourage. Oh ah, il y avait un début. Eh, je fais pas si mal, hein. Allô? Oui, allô? Oui, pourquoi vous m'appelez? Bonjour. Ah, pourquoi? Allô? Moi, je vous appelle, mais je vous ai pas appelé. Ah ben mon téléphone vient de sonner, j'ai décroché. J'ai encore bugué. C'est pas vous qui m'avez appelé pour la moto tout à l'heure? Non, là justement j'étais en train de conduire, je me suis arrêté, j'ai eu mon téléphone qui a sonné. Moi, vous êtes quel opérateur? Vous avez dû bugger, non? Vous êtes Orange aussi? Non, moi je suis sur SFR, donc... SFR? Ça a sonné, moi mes numéros inconnus, donc... Inconnu, carrément? Ouais, quelqu'un vient de m'appeler en inconnu, donc c'est pour ça que... Ah, il est parti, hein. Ça y est, il est parti, forcément. Je crois que tu l'as fait peur. J'aimerais bien, avant qu'on découvre le score qu'a fait Damien, que Marion essaye de grôler. Mais non, il faut que t'aspires, là, tu chies, là. C'est pas mal, Thibault Larrea. C'est dur, ça fait mal à la gorge. Hein. Damien, tu peux tester toi aussi? Oui, pourquoi pas. Wow. Ah bah il le tient. Allez Damien, on va découvrir ton score grâce à Thibaut Alaria. C'est gagné, mais il s'étouffe. Il est mort. Bravo Damien, on t'offre ton iPad mini, mon chat. Merci beaucoup, c'est très gentil et je me suis régalé à faire ce jeu, c'est sympa. Eh ben avec grand plaisir, on t'embrasse très fort et tu rappelles quand tu veux. Ça marche, merci, gros bisous à tous. Bisous mon chat, bonnes vacances. Merci. Oui. C'était 1 minute 5 le score du coup. Maître Gims, c'est ce qu'on s'écoute maintenant sur Fun Radio. Dans un instant, on partage toujours et encore notre joie de cette qualification. Et on voulait vous poser une question, parce que c'est vrai que moi, en ce moment, je suis particulièrement excitée par un joueur de l'équipe de France. Je vous dirai qui. Comme par hasard. Et on se disait, vous, quelle est la personnalité publique qui vous excite le plus? Appelez-nous, on se fait ça juste après Maître Gims, 01 42 48 5000. Vous pouvez vous lâcher, même si vous êtes en couple, c'est fictif. Ah oui, évidemment. Allez. De te demander ta main. J'ai vu ton visage apparaître dans les flammes. Je préfère encore te contempler tout comme un gamin. Car tu es l'esprit

chicks to get to that place where you can do whatever you want and still kill it. Pass your prescription bottle and we'll fill it up with the true party music from the soul. Y'all wax LLT, LOA, it's a roll call. De 22h à minuit sur Fun Radio. On s'en remet pas hein, de ces émotions. On est tellement heureux d'être qualifiés pour cette finale de la Coupe du Monde dimanche. Et on va du côté d'Orléans là maintenant, puisque Mickaël va nous faire vivre l'ambiance. Eh bien, c'est quoi le département d'Orléans? 45. Du 4-5. Bonsoir Mika. Ouais, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. On est en finale. T'es où toi là Mika? Ah, je regarde la télé, là. Je regarde l'équipe du soir. Ah, d'accord. Mais tu nous écoutes quand même en même temps? Oui. Mais j'ai été à la radio. T'es en train de mitonner, là, quand même. Ah, oui, j'ai été à la radio. Mon Dieu, quelle horreur. Alors, Mika, bon, c'est pas grave, on te pardonne parce que c'est une émission et une soirée un peu exceptionnelle. Tu l'as vu avec qui, toi, le match? Je l'ai vu tout seul. Mais non! Si. Comme un grand. Ah bah donc c'est pas rigolo de s'ambiancer tout seul. Après parfois tu sais au moins t'as pas un relou comme Thibaut à l'aréa qui te balance tout le temps en faute ou Mtiti alors que c'est Pavard. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire. Moi j'avais envie d'être comme vous, d'être dans l'ambiance, de connaître. Alors je sais mais t'y connais rien mon chat. Oui bah première intention. Mickaël, du coup tu fais ça tout seul aussi? Bah ouais. Et sans copine, sans rien. Est-ce que tu vas prévoir quelque chose d'un peu exceptionnel pour dimanche ou tu vas aussi la mater solo? Non, je vais voir avec un pote. Ah, bah là, on est bon. Et ben, on se tient au courant, mon chat, parce que nous, on sera branchés sur tous les réseaux Marion et Enzo. On sera là, on fera la fête ensemble ou pas, on pleurera ensemble, mais quoi qu'il arrive, on partage. Non. Ah, on sait pas, mon chat. Hein. Et non! Mickaël, est-ce que tu peux nous faire un pop, pop, pop, pop, pop, pop? Ah, d'accord. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Mika, on te fait de gros bisous et on embrasse bah, tous les gens qui nous écoutent du côté d'Orléans. Bisous. Je peux passer une dédicace? Bien sûr. Bah, je fais une dédicace à mes parents et toute ma famille. Eh ben, on embrasse tout le monde. Bisous, poteau. Bisous. Ciao, ciao. Et on parle avec vous des personnes qui nous excitent, des personnalités publiques avec qui on aimerait faire l'amour. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que moi, ça fait quelques temps que j'ai des vues sur Hugo Loris. Bon. Ah. Je trouve ce mec, c'est un gentil chat, il a une tête de beurre. Bon, c'est le gardien de l'équipe de France, hein, vous l'avez reconnu. Il fait discret en plus. Hein. Il fait discret, il fait humble, il fait sympa, il nous fait des arrêts, mais de dingue. Honnêtement, voilà, c'est mon petit fantasme. D'accord. Voilà. Est-ce que t'as un fantasme toi, Anso? Bon bah moi je vais pas vous l'apprendre. Vous savez que je suis totalement absolument fan et amoureuse de Justin Timberlake. Aïe, c'est pas faux. Ah, cela dit, tu nous as dit que même si Justin te rentrait dedans et te proposait une histoire d'une nuit, par respect pour Dou, t'irais pas. Alors que moi je trouve que c'est une grosse connerie. Ah oui, exactement, moi je pourrais pas. Mais c'est pas ça, ça reste un fantasme. Et le fantasme de Justin Timberlake, en tout cas, est fait pour ne jamais être réalisé. Vous avez vu ce qu'il fait d'ailleurs pour le foot, Justin? J'ai vu sur Instagram tout à l'heure, je trouve ça génial. Il est en concert à Londres mercredi soir. Oui. Et comme demain soir d'ailleurs. Et comme demain soir, l'Angleterre affronte la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde, ils ont décidé que à l'Arena, là où ils jouent, ils ouvriraient les portes beaucoup plus tôt pour qu'ils puissent mater le match avec Justin Timberlake, la finale dans le stade. C'est énorme. C'est stylé, mais faut qu'il gagne, parce que sinon l'ambiance va retomber, quoi. Ouais, ou alors tu te consoles avec Justin, ce qui est quand même pas mal aussi. Romain nous a appelé du côté de Bordeaux, lui aussi, il a un fantasme. Ça va, Romain ? Salut l'équipe, on est en finale ! On est en finale ! On est en finale ! Alors, Romain de Bordeaux, dis-nous tout, mon chat, à part cette joie d'être en finale, avec qui t'aimerais faire l'amour, toi ? Alors honnêtement, au début de la journée, c'était avec Dua Lipa, mais là après ce que l'équipe de France vient de nous faire, moi je dis toute l'équipe de France. Non, gourmand, laisse-en pour les autres. écoute, Marion, Anso, si vous voulez, on vous laisse un peu de place, ça passe. Oui. Alors, ils sont 22. Cela dit, pour revenir à ton fantasme initial, Dua Lipa, je comprends complètement parce que qu'est-ce qu'elle est jolie. Et c'était quand? On en parlait hier, elle a des jambes de 8 km. Ouais. Ouais, ça va être pour monter. Ah ouais, jambes interminables, elle a un charisme de dingue, elle est belle, elle chante bien, elle a tout pour elle, cette petite femme. Ouais, mais elle doit avoir un truc. Genre, tu vois, je pense qu'elle, à mon avis, donc elle paraît nickel comme ça, mais je pense qu'elle dort avec des gouttières ou un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, bah, ouais, je pense qu'elle a. Non, mais elle peut pas être parfaite, c'est pas possible. Je sais pas, on sait jamais, elle a des défauts comme tout le monde, mais voilà. Et puis c'est pas si pire de. Elle doit vivre avec 78 chats, tu vois, c'est un truc comme ça. Ouais, mais c'est de la gueule. C'est pas si pire de dormir avec une gouttière. Ma meuf, elle en a, c'est horrible. Non. Ah si. Oh, c'est elle, rien. Tu fais des câlins avant et après elle met sa gouttière, chacun dort. Ah, mais il faut s'organiser du coup. Bah oui. Bon, bah écoute, Romain, on prend complètement le fantasme de Dua Lipa, l'équipe de France qui va avec, il n'y a pas de souci. Merci, mon chat. Merci l'équipe, vous êtes géniaux, continuez comme ça. Bisous Romain, et fais bien la teuf, faites ça bien. Ciao mon pote. Bisous. Ah ouais. Julien nous a appelé aussi. Et il est aussi de Bordeaux, dis donc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bonsoir Juju. Bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde. Vive la France. Julien, raconte-nous, t'étais avec qui pour le match, toi? Ah bah écoutez, j'étais avec des amis et en fait, je suis en kiff là. Là, je suis en kiff total, j'en peux plus de Mbappé, c'est mon chéri, vraiment. Ah bah oui, ah c'est lui ton fantasme? Ah mais complètement. Au début c'était Grisou, mais bon maintenant je préfère Mbappé, je préfère ce métissage qui court vite comme une gazelle. En plus il a ce côté rebelle, à la fin du match il prend toujours un jaune. Julien, je veux pas casser ton délire, mais t'es pas le seul sur le coup, puisque j'ai vu une interview, il y a Louane aussi qui est très chaude sur Mbappé. Ah bah oui. Et je crois que la petite Miss France de l'année dernière, Alicia, qui a 19 ans là, qui est métisse, qui est magnifique, qui a des cheveux au top, et ben je crois qu'elle est aussi sur le coup. Ah, ouais, ah bon? Bah apparemment, il y a des rumeurs, hein, parce que c'est vrai qu'on l'a vu assister à pas mal de matchs de la France en Russie. Il y a des petites rumeurs, mais en tout cas, voilà, il est convoité, le Kylian. Pardon, mais c'est un peu cliché d'être Miss France et de sortir avec un footballeur. Ah bah écoute, elles se font plaisir en même temps. Oui, effectivement, il y a un brin de jalousie là-dedans. Tu as mis le doigt dessus, effectivement. Bon bah écoute, ouais, c'est d'actualité, hein. Tu kiffes les footeux, tu kiffes Kylian, pas de problème Julien, on prend. Ah mais tout, il a le sourire, le prénom, le nom de famille, l'allure, franchement non, on a un bon joueur, beau gosse et ouais. Après, ouais, je vais même le mettre en poster. Après c'est un peu normal, souvenez-vous en 98 quand la France a gagné la Coupe du Monde, il y avait des joueurs qui n'étaient pas non plus ultra sexy, mais qui du coup après la Coupe du Monde sont sortis avec des mannequins sublimes. Ah bah normal. C'est normal, ils font rêver les gens, donc forcément ça te rend glamour et sexy quoi. Ah le talent aussi, franchement ils sont forts quoi. Tiens. Et en plus, il y a des beaux gosses. Cette année, Griezmann est magnifique. Hugo Lloris est beau. Paul Pogba, il a quand même une certaine classe. Honnêtement, cette équipe, on est gâtés. Oui, Thibaut. Et puis même Didier Deschamps, putain, le beau gosse. Ah ouais. Ouais, mais Didier Deschamps, en vrai, Didier Deschamps, t'as envie de partager un dîner avec ce mec. T'as envie de. Ouais. T'as envie déjà qu'il te raconte son histoire parce qu'il a quand même une vie de dingue, ce mec. Ouais, c'est vrai. Et t'as envie de tailler une bavette, tu vois. Ah non, t'as envie de plus. T'as envie de plus. Ah, mais faut l'aider à tailler la bavette parce que ça va être galère pour lui. Non, arrêtez. Il paye tes chicots. Et il a été critiqué, Didier. Et honnêtement, tout le monde retourne un peu sa veste là maintenant. Hein. Tout le monde le félicite et tout, mais ça n'a pas été facile pour lui, les critiques. Mais oui, Babou, t'as bien raison de le dire, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, avec tout ce qu'on nous envoie dans le ciel. Ah, tiens. Et Julien, on te fait de gros bisous, tu veux passer une dédicace? Merci. Oui, non, juste à Didier Deschamps, si tu m'écoutes, eh bien, écoute, je peux être ma sœur pour Kylian, il n'y a pas de souci. Je suis un très bon ma sœur. Bah, ça tombe bien ce qu'il écoute, du coup, là, maintenant. Voilà, d'écouter, vive la France, vive l'équipe, vive le RIF, et voilà, et on va la gagner la coupe! Allez! Bisous mon Juju! Ciao! Bisous! Et il est déjà minuit tout pile. On a vraiment vécu une émission de fou avec vous tous là. C'était juste énorme de vivre toutes ces émotions. Je vous cache pas qu'avant de prendre l'antenne, pendant le match, on avait une crainte avec toute l'équipe, c'est qu'il y ait prolongation, tir au but, et qu'on sache pas, et qu'on soit tendu, etc. Et on avait tellement envie de faire la fête et tout que là, on est très heureux. Donc merci aux Bleus pour toutes ces émotions qui nous ont fait vivre ce soir. Et à recommencer dimanche, les gars. Allez, bah, c'est ça. Non, en mieux. En mieux, mais vous l'avez. Et dimanche, vous nous refaites un 3-0. Et franchement, là. Ah ouais. Déjà, juste une victoire, ce serait fabuleux. Ouais. Voilà. 3-0, 2 buts de Zizou. Encore une fois, je fais quand même de gros bisous à tous les Belges qui nous écoutent. Ils sont nombreux et vous êtes très fair play. On a que des gentils messages des Belges qui nous félicitent, qui sont très sympathiques. Honnêtement, ça aurait pu ne pas être le cas. Hein. La prochaine, les gars. Ouais. Oui, la prochaine, vous avez été vous très avez bon. Et vous allez jouer cette petite finale. Et j'espère pour vous que vous la gagnerez. Moi voilà. Aussi. On vous envoie plein de croisages de WAD. Demain soir, on sera en direct. Pourquoi? Et bien pour la dernière du Night Show, la dernière de la saison 3. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain? Plein de choses. Déjà, on va vous annoncer si oui ou non on revient l'année prochaine. Gros suspense. Aïe, aïe, aïe. On est encore en négociation. On n'est pas encore tout à fait sûr. Mais demain, on le saura. On espère. On l'espère. Donc soyez bien là à partir de 22h si vous voulez la réponse. Et on va aussi se réserver des surprises. C'est vrai que ça fait quelques temps qu'on bosse avec l'équipe. On essaie de se piéger, on essaie de se faire kiffer, on essaie de s'organiser des choses. Donc personne n'est vraiment au courant de ce qui va se passer. Juste, on sait qu'on va tous vivre de grandes émotions demain soir. C'est vrai? Ouais. Ah bah moi j'en ai déjà de la frissonnette. Moi par exemple, Babou, je te prépare un truc assez incroyable. Mais ouais, moi je sais pas, donc du coup je sais pas si ça me fera pleurer de joie ou pas de joie. Non, tu vas avoir du mal. Ouais. En fait, tu vas pleurer de gêne. Du malheur. Flo, il me dit ça car nous voulons ton malheur. Oui. Non, ça va être une émission de ouf. Soyez là pour la dernière de la saison 3 du Night Show demain, s'il vous plaît, à partir de 22h. On va kiffer tous ensemble. Demain matin, c'est Elliot qui vous réveille pour le morning de l'été. Hein. C'est Bruno dans la radio, même l'été, avec toute sa team, avec Marie, avec Enzo. Soyez là à partir de 6h. Et puis nous, on va se quitter en chanson. Là, vous retrouvez Party Fun avec Joachim Garraud pendant 2h. Lourd. Alors pour se quitter en chanson, on va se faire un... Est-ce qu'on est content d'être en finale? Ah bah, évidemment Babou, on te suit. Est-ce qu'on est content d'être en finale? On est content d'être en finale. C'est celui qui ne voit pas. Merci beaucoup. On est en finale. Cet été, les meilleurs DJ mixeront tous les soirs sur Fun Radio. It's time to party fun. Et maintenant, Joachim Garraud prend les platines de Party Fun sur Fun Radio. Cet été, les meilleurs DJ sont sur Fun Radio. Joachim Garro vous lâche 2 heures de mix en exclu sur Fun Radio. Fun Radio. Show you how to have a good time. Smoke in the sky, raise me the left to the right. Come and get a drink with your life. Woman and sprite, me, oh. I'm about to get high. Get high. Tonight I'm about to get high. Space where there could have been love to behold.